Alors, bonjour à tous et merci d'être venus pour cette conférence autour du 9e art et du jeu de rôle. C'était un sujet assez pertinent pour moi parce que les deux choses viennent des États-Unis, que ce soit donc le JDR. Dans le 9e art, il y a le comics, donc ça vient des États-Unis. Et puis après, on rentrera plus dans le détail, que ce soit avec la franco-belge et également la bande dessinée. Mais avant de rentrer dans le détail, on va quand même tous se présenter. Donc, honneur aux dames, vas-y, Maïd Élève. Bonjour à tous, alors moi c'est Maïd Élève, je suis auteure illustratrice de BD. Et j'ai sorti la série Freak Squeal, qui a maintenant 2 ans, voilà, dont le dernier volume est sorti pour Halloween. Et en fait, l'inspiration de cette BD, c'est le jeu de rôle Freak Squeal. Donc en gros, les personnages d'un bande dessinée, Grimm, Malissa et PJ, étaient à la base des PNJ, qui sont devenus en fait des personnages à part entière. À force de les écrire, à force de les jouer, j'ai fini par leur créer une histoire. Et maintenant, ils sortent un album. Et avec nous, on a également Mad, aka Marc-André. Voilà, c'est ça. Alors bon, moi je suis président d'un festival de bande dessinée en Vendée qui s'appelle Abracadabule, donc au Sable d'Olonne. On a déjà 20 éditions au compteur. Et à côté de ça, je suis passionné maître de jeu depuis 30 ans. Voilà. Donc, et de mon côté, donc... Ah pardon, excuse-moi. Non, il n'y a pas de mal. Vas-y, c'est bon. Non. Alors, de mon côté, je m'appelle Geoffrey. Je pense que je dois être le plus jeune autour de la table. Et je suis podcasteur autour du comics et du manga, pardon, excusez-moi. Et voilà. Pour commencer de... Ah, alors, je pense que... ton son peux parler plus fort. Ouais, il va falloir que tu parles plus fort. Ok. J'espère que mes voisins ils vont apprécier. Ah, faut faire profiter. Voilà, ouais. Donc, pour commencer, je pense qu'on va peut-être parler du comics pour arriver sur la franco-belge et puis après terminer sur le soleil levant avec l'Asie. Alors, comme je vous disais, le jeu de rôle et le comics arrivent tout droit des États-Unis et on a eu beaucoup d'adaptations, que ce soit au niveau du, des Big Two aux États-Unis, que ce soit Marvel, DC, et on a même eu des adaptations de d'autres comics comme Hellboy et... Judge Dredd, qui est plutôt un comics anglais plus qu'américain. Est-ce que vous avez essayé de jouer sur des vieux systèmes Marvel ou DC, voire même Hellboy ou autre, ou pas du tout ? Absolument pas. Je suis pas du tout familière avec les jeux de rôle à l'ancienne. J'ai commencé sur Anima, du coup, tout ce qui est avant, j'ai très peu expérimenté avec. Et notre ancien ? Alors, honnêtement, moi, la culture comics, j'aime beaucoup, hein, peut-être avec une petite préférence pour DC, mais j'ai jamais essayé, j'avoue, un jeu de rôle venant de l'univers comics. Je reconnais, mais à coup de pas. Alors, je vais pas vous jeter la pierre, parce que moi non plus, j'ai pas essayé. Je suis pas du tout familier de l'univers rôlistique, malgré que Hellboy me tente beaucoup parce que c'est sur un système GURPS. Alors pour les habitués de jeux de rôle, le GURPS c'est du système D100, donc c'est assez basique et ça peut être très efficace et à mon avis très drôle pour un soir d'Halloween ou pas, et d'en profiter pour faire une histoire un peu trash à la Mignola, et ça, je pense que ça peut être assez drôle. Mais il y a une. Là récemment, j'ai vu. Excuse-moi, je te coupe. J'ai vu qu'ils ont ressorti une nouvelle version de Hellboy The Role-Playing Game par Mantic Game. Je sais pas si t'as vu ça ou si t'en as entendu parler. Alors, honnêtement, pas du tout. Je regarde ça tout de suite, mais vas-y, continue. Je crois que c'est de cette année, hein. Il me semble que c'est de cette année. Ça a été proposé, je crois, en Kickstarter avec Mike Mignola aussi à la supervision, je crois. Et Je suis pas sûr à 100% pour le alors, t'as totalement raison. Et je pense par contre que c'est plutôt un jeu de plateau que. Ah non, t'as raison. Oui, que Alors, c'est à un mon peu avis, plus ils ont plateau dû le avant. faire en jeu de plateau, mais C'est ça. également en jeu de rôle. J'avais vu ça, parce que s'il était Alors la sorti. question importante, est-ce que c'est Mignola au dessin? Est-ce qu'on va avoir des beaux livres? Et Je je crois que c'est lui, pense. hein. Il me semble que c'est lui en plus qui est à la supervision artistique. Je crois. Ah, ça peut valoir le coup, alors ça peut être un bel ouvrage en plus. Ça, c'est vrai. Alors, vu que vous parlez de Kickstarter, on va aussi parler de la prochaine adaptation de jeux enfin de comics également. Un jeu de rôle 100% français qui va être proposé par Monolith d'ici 2021-2022, à mon avis. Et c'est sur l'univers de Batman. C'est l'univers à la mode en ce moment. J'ai entendu Alors, parler. c'est à la mode, mais surtout, ils ont eu comme dessinateur, comme illustrateur, Sean Gordon Murphy. Oh, d'accord, Alors, ok. pour les passionnés de comics, c'est celui-là qui a dessiné et scénarisé le White Knight. Et il y a le second tome qui vient de sortir, Curse of the White Knight également, qui est vraiment très, très, très, très bon. Après, j'espère qu'ils nous feront un bon jeu de rôle, surtout s'ils travaillent avec cette personne, parce qu'ils sont quand même assez novices. Je crois qu'ils avaient fait de mémoire le jeu de rôle Jeanne d'Arc adapté du jeu de plateau. Là, ils font Batman et ils ont sorti le jeu de plateau avant. Et il y avait un autre projet aussi, je crois qu'ils avaient sorti. Merde, je sais plus, je crois sur la mythologie aussi avec un jeu de rôle. Mais en fait, ils n'ont jamais poussé très loin les licences, tu vois, au niveau supplément et tout. Alors, ça m'embêterait honnêtement qu'ils fassent la même chose avec Batman. Donc, je pense que le projet va être très beau, mais c'est suivi après, quoi. Je sais pas ce que tu Alors, en penses ou que vous en bah, pensez. c'est un peu le souci en fait d'avoir un très bon auteur illustrateur derrière un jeu et qu'en fait le système marche pas. C'est un peu le reproche que j'ai pu faire à Friskwill d'avoir un système hyper complexe avec un univers qui est cool et qui graphiquement explose. Enfin, c'est il explose tout. Et la crainte que j'ai eue avec le jeu de rôle que Svarv veut sortir, quand j'ai posé des questions sur Twitter en disant genre comment ça marche? Il dit ouais bah venez, on fera des démos et tout ça. Mais pas trop de messages là-dessus, en fait. On a un bon dessinateur, on a des grands noms, mais bon, rien ne garantit que le système marche bien. Du coup, j'ai un petit peu peur de cette tendance qui fait un peu comme les films, on a un grand nom derrière, et puis on espère que tout marchera, et au final, parfois, ça se pète la gueule. Alors, moi de mon côté, bon, y a un ami qui y travaille, c'est le commis du comics que je connais un peu personnellement. Donc, je crois en lui. Et de l'autre côté, il réutilise le système de jeu des chroniques oubliées contemporains. Donc, je n'ai pas joué, je D'accord. connais pas forcément ce système. Vous y avez joué ou pas du tout, vous, de votre côté, vous connaissez le système? Alors, je suis très peu système. Moi, j'aime raconter des histoires. Le moins on touche les dés, mieux c'est. Non, pas pour ma part, pas du tout, pas du tout. L'avantage, par contre, c'est vrai qu'avec une licence comme Batman, c'est que si tu sors pas de supplément, il y a tellement une histoire riche, un univers énorme que pour n'importe quel maître de jeu, il peut utiliser n'importe quel comics, aventure et tout pour l'exploiter pour lui, quoi. C'est vrai que là, il y a des décennies d'albums qui sont sortis. Voilà. Enfin, rien qu'en disant on adapte un arc ou un méchant, il y a moyen de faire une campagne entière, en fait. C'est ça qui est très cool. Et à mon avis, il y a moyen de jouer juste un simple flic à Gotham. Et rien que ça, Complètement. ça a l'air très génial en fait. Avec le multivers, on pourrait incarner chacun un Batman différent, en fait, ou une génération de Batman. Ça pourrait être une ligue de Batman entière, et ça, ce serait vraiment très fun. Bon, ça peut aller dans tous les sens, mais ça serait très drôle. Ils ont fait un crossover dans les séries comics là. J'avais vu DC Legends, Supergirl, où tu avais plusieurs versions de Batman. Un Batman complètement taré, le plus jeune, je crois, etc. C'était pas mal, avec le multi-univers, justement. Et de l'autre côté, t'as eu Batman Metal également, qui explore tout ce multivers et tous ces méchants Batman qui viennent également de partout. C'est un univers super riche, donc à voir. Si le système tient la route, franchement, ça peut être très très cool. Et je pense que j'ai beaucoup d'espoir. Je pense que je vais l'acheter. Je suis assez con pour le faire. Bien, tu nous diras, hein. Tu nous feras un Non, il petit n'y a pas de article problème. là-dessus. Il n'y a pas de problème. Mais du coup, parce qu'il y avait déjà, il me semble, un jeu de rôle Batman qui était sorti en 89, je crois, chez Mayfair Games. Donc, oh, remarque, ça fait quoi? Ça fait 20, 30, 10, 11, ouais, 30, 31 ans. Ouais, remarque, ouh la vache, ça passe Ça vite. fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. C'est C'est mieux avec que moi. DC Heroes, je crois. Pour GURPS aussi, je crois, DC Heroes. Voilà, non, mais il y a eu énormément de choses. DC Heroes, il y a eu Marvel également qui s'est mis. Donc, tu as eu DC Heroes, DC Adventure, DC Universe. Pour Batman, j'avais pas forcément vu, voire même pas du tout. Alors, je suis en train de jeter un coup d'œil. Ah oui, tu as eu un jeu. Batman qui est sorti et ouais t'avais raison c'était sorti chez Mayfair Game donc voilà et après du côté de chez Marvel t'en as eu également un tas Marvel Heroic Role Playing Marvel Super Heroes Adventure Game Marvel Super Hero Marvel Universe donc il y a vraiment une chez plus 1000 hein. Et ils ont bien traversé enfin, l'océan pour arriver ici, tous ces jeux. Parce que, enfin, souvent on dit qu'ils restent traduits en anglais et qu'ils restent aux États-Unis. Ça s'est bien accueilli en fait sur le marché français, ce genre de jeu. Alors, honnêtement, je les ai jamais vus de ma vie. J'y ai jamais touché. En allant sur le Grog, j'ai vu que Marvel avait été adopté fin des années 80 chez Schmidt Spiel. Je connaissais pas du tout. Donc, Ah, c'est vieux ça, comme ouais, boîte de voilà. jeu. Ah, Et d'accord. ça existe encore? Non, ça n'existe Non, plus c'est ça. mort. Ah oui, c'est bizarre, Ouais. j'ai rien vu d'autre depuis des années, donc Bah après, avec les sagas qui passent au cinéma, il y a quand même moyen d'avoir un public qui est déjà investi par le sujet. Ouais. Puis, il y a une très bonne trilogie qui a été faite sur le sujet, donc C'est je ça. crois même qu'ils avaient sorti pour Donjons et Dragons 5, quoi, la cinquième édition, ouais. Je crois même qu'ils avaient sorti les caractéristiques du Joker, mais en personne adapté en Heroic Fantasy. Je crois hein, que ça avait été jusque-là, mais Paladin chaotique. je sais pas. Paladin, c'est gentil, hein. Tu remarques, tu vas me dire au début, si tu veux, le dernier film qui est sorti. un barde un peu étrange, ça pourrait être très Ah, drôle. peut-être. Alors, de mon côté, point de vue jeu de rôle comics. J'ai pas vraiment beaucoup joué. J'ai essayé, comment ça s'appelle? Icons, qui est un petit jeu de rôle. Vous connaissez ou pas du tout? Icon, ça me dit quelque chose. Non, j'avoue, jeux de rôle et comics, moi, c'est pas le domaine que je connais le mieux. Ça me dit rien. Alors, c'est vraiment un petit jeu de rôle qui était publié chez John Doe en mars 2012. Alors, je ne sais pas vraiment si c'est encore disponible ou pas, mais c'est libre de droit. En fait, vous pouvez jouer, vous pouvez créer n'importe quel héros et vous pouvez le faire jouer dans n'importe quel univers. C'est pas bloqué dans DC, Marvel ou tout ce que vous voulez. Et moi, j'avais essayé de créer une campagne se basant dans l'univers Marvel et ça n'a pas vraiment très bien fonctionné. J'ai mes joueurs qui ont fait tout n'importe quoi. Et c'était une véritable catastrophe parce que je leur avais laissé choisir leur pouvoir et c'était une très mauvaise idée. Bah en fait, tu peux leur laisser choisir leur pouvoir, mais il faut vraiment cadrer dès le début avec eux. Parce que c'est. Enfin, pour avoir fait jouer des joueurs qui avaient des pouvoirs, même en one shot, sur du Free Squill, on avait essayé de faire un. De délimiter le pouvoir, et c'est pour ça que j'aimais beaucoup le système de Free Squill, c'est qu'il disait, en fait, tu dois créer un pouvoir pour pouvoir faire une action. Et vraiment, de pouvoir le formaliser et en discuter avec ton MJ pour dire, voilà, ce pouvoir, il doit faire ça. Et tu donnes un cadre, une limite, un truc de temps. Et au fur et à mesure qu'ils montent des niveaux, en fait, ils peuvent le développer. Mais enfin, en général, quand ils commencent le jeu, Free Squill, c'est le principe, c'est une université de super-héros. Tu arrives, t'es en première année, donc forcément, t'es un peu nul. Et en fait, les joueurs doivent accepter ça et accepter le fait qu'ils doivent improviser et faire en sorte qu'ils soient un héros débutant, en fait, et qu'ils soient un peu, qu'ils contrôlent pas leur pouvoir et que ça peut rater. Et donc voilà, ça permet vraiment de dire, bah, au début, ton pouvoir, il va pas être top, mais il va te permettre de faire une action précise que tu feras bien. Bon, si tu te plantes, tu risques d'avoir des séquelles sur des années, mais c'est pas grave. Mais ça te permet vraiment de délimiter le truc qu'ils font. Et après, bon, faut improviser un petit peu en tant que MJ, vu qu'ils ont des pouvoirs. Mais c'était vraiment bien fait pour canaliser le truc. Peut-être que sur Icon, c'est un truc où ils n'ont pas mis de barrière, de garde-fou, et que là, ça peut partir n'importe comment. Et je fais partie de ces MJ qui aiment pas mettre des barrières. Et alors, de base, en plus, le pouvoir n'était pas extraordinaire. C'est ils sont partis, en fait, ils ont lancé le dé et le dé a pété tout. En fait, ils ont fait un très très très gros score. Et au lieu de revenir quelques instants plus tard dans le passé, ils sont revenus des années plus tard, à tel point qu'ils ont pu sauver Captain America de la mort. Ok. Ouais, d'accord. Ouais, c'est peut-être la... enfin, c'est peut-être un pouvoir un peu trop pété, en fait, c'est juste ça. C'est ça. Ouais, parce Bon. que bon, tu dis un excellent jet de dé, enfin, dans ce cas-là, tu dis oui, t'as un excellent jet de dé, ok, tu fais une réussite critique de ouf, mais des années, c'est beaucoup quand même. Beaucoup trop. Voilà, c'est ça. Enfin, c'est un peu l'équilibre entre, enfin, faire que les joueurs y kiffent et qu'ils apprécient leur victoire, mais en même temps pas casser ton scénar. C'est pas évident à naviguer, mais c'est vrai que là, oh, je sais pas comment tu sauves ta campagne, en fait. Enfin, déjà, les voyages temporels, j'aime pas ça dans les campagnes. Alors, je l'ai pas sauvé, en fait, j'ai abandonné. Ok. Au revoir. Je crois qu'ils attendent toujours la suite, mais bon, il n'y a pas vraiment grand espoir pour eux. Hein. Sinon, tu fais comme beaucoup d'écrivains paresseux, tu fais, ben, c'était un rêve. En fait, vous avez raté. Non. Ah, Après, pour de vrai, j'ai eu une autre idée de campagne basée plus sur My Hero Academia et je pense que ça pourrait peut-être plus coller avec le système de jeu de rôle et le monde de ce jeu de rôle en tout cas. C'est vrai que le système de l'école pour héros marche très bien, en fait. Enfin, avec la courbe de progression des personnages qui vont de niveau 1, c'est-à-dire pas top, à bah, ils passent leur diplôme et ils s'améliorent. Enfin, la courbe de progression va avec le personnage, du coup, c'est assez agréable, en fait. Et, bon, ils permettent d'expérimenter, et t'as ce truc qui est hyper fun, c'est que bah, du coup, dans le lore de My Hero Academia ou Freak Squeal, en fait, t'as déjà plein de personnages, du coup, ça te fait déjà des PNJ tout près et une sorte de fanbase énorme. Et aussi, tu peux beaucoup faire de fan service. Enfin, ça que j'avais beaucoup apprécié sur ce genre de jeu, c'est que au final, enfin, les gens qui ont déjà lu la BD, ils kiffent interagir avec les personnages qu'ils voient dans la BD. Après, ils disent, ah, trop bien, lui, je le connais, il est du volume 2 et tout. Enfin, c'est assez satisfaisant, en fait, ce système. Alors, pour répondre à Dr. Jekyll, non, je vais pas faire me démerder pour que Izuku aille sauver Captain America, sinon on rentre dans une mer de noir et je préfère éviter tout cela. Le multivers ultime. Oui, mais non. Oh! Je suis pro multivers. Je veux que Batman aille sauver Spider-Man et les Tortues Ninja et qu'ils aillent au Japon pour rencontrer My Hero Academia. Ce serait parfait. Et alors, t'as eu des crossovers Batman Tortue Ninja, t'as eu des crossovers Batman Spider-Man, mais on n'a jamais vraiment eu un crossover héros américain et héros japonais. À moins qu'il y ait des personnes qui ont vu ça et qui peuvent en témoigner sur le chat, mais je crois pas que ça s'est fait. Je suis pas sûre que ça existe. C'est vrai que, enfin, au final, comme on est très cloisonné entre le pôle occidental, enfin, États-Unis et Japon, c'est un peu, enfin, chacun est dans sa petite bulle. C'est vrai que pour l'instant, les partages sont pas énormes. C'est un peu ça qui est dommage d'ailleurs. Enfin, ça pourrait faire des univers très très fun si on faisait des gros crossovers entre continents. Et alors, on s'éloigne un peu du jeu de rôle, mais on a eu DC qui avait tenté de faire ce genre de choses il y a quelques années, en laissant les droits de Batman au Japon et en français pour une histoire. Et ça avait bien donné pour la version française, donc c'était le Batman de Marini, qui était très très très très bon. Et on a eu du côté Japon Batman Ninja. Je sais pas adhérer, et Batman et la Justice League qui est juste à vomir. À ce point-là. Ah là là. Dommage. Oui, Après, c'est ouais. vrai que les adaptations japonaises des trucs européens, enfin, ils impriment leur code d'histoire sur l'histoire des États-Unis, donc forcément, c'est un peu bizarre. Enfin, souvent, il y a des aliens, souvent, il y a des gros mechas aussi. Je pense qu'il faut accepter et puis se dire, ben voilà, c'est le passage au Japon. Enfin, Spider-Man aussi, il a eu des adaptations qui étaient un peu spéciales, mais bon, c'est les codes de leur littérature et du manga qui vont dessus, quoi. Et oui, c'est vrai que Dr. Jekyll a raison. Il y a eu des adaptations, donc Wolverine, X-Men, à la sauce japonaise qui ont plutôt bien fonctionné, qui a très bien fonctionné pour X-Men. Pour Wolverine, c'était un en deçà de ça. Et c'est vrai que j'ai vu un documentaire sur la série télé japonaise sur Spider-Man. Et ouais, c'est. Ouais. On va dire ça comme ça, hein. Ah, c'est pas Peter Parker, ça c'est clair. Enfin, en fait, c'est assez drôle parce qu'on hésite entre soit c'est de la fanfiction inspirée de Spider-Man avec un mix de voilà ce qu'on met dans le manga, donc des extraterrestres, des mutations, des gros mechas. Soit c'est vraiment ils le prennent sérieusement et dans ce cas-là, on va dire ouais, c'est les codes du cinéma japonais et ils l'ont adapté à leur public et aux attentes de leur public. Mais c'est pas les nôtres. Faut aussi réaliser ça. Enfin, c'est comme le dernier Mulan qui a été fait par Disney. Il n'est pas adapté pour les Occidentaux qui l'ont déçu. En fait, il est adapté pour le public chinois. Donc, il faut aussi équilibrer en fait cette adaptation et les attentes du public. Enfin, ils ne peuvent pas produire un produit 100% américain pour des Japonais parce qu'ils ne vont pas adhérer en fait au code et aux valeurs. Voilà, c'est la trans. Enfin, il y a des choses qui sont perdues dans la transition et la traduction. Il faut comprendre en même temps. Et c'est tout ce que j'avais vu également dans ce documentaire sur le Spider-Man japonais, où en fait c'est un mec qui travaillait pour Marvel qui est arrivé et qui avait sa femme japonaise et qui avait dit, bon ben on va aller voir des studios et compagnie. Et les Japonais avaient quasiment la possibilité de tout faire pour bien l'adapter. Et le problème, c'est quand les Américains ont vu ça, ils étaient catastrophés. Le seul qui a adhéré, c'était Stan Lee. Ah, mais... bon, en même temps, il avait peut-être le levier suffisant pour dire, bah, on change. Allez, on y va. Ben, je pense. Du coup, je pense qu'on va peut-être un peu arrêter sur les comics et on va peut-être se Attends, diriger juste plus vers la France. avant j'aurais aimé rajouter quelque chose, parce que là, on a parlé beaucoup des DC et des Marvel, mais par exemple, est-ce que pour toi, Buck Rogers ou Zorro, c'est du comics? C'est Parce que compliqué. ceux-là aussi ont été adaptés en jeu de rôle. Et je me demande qui était le premier, Marvel ou ceux-là, si tu les considères comme comics, en fait. C'est très compliqué. Alors attends, que je te dise pas de bêtises. Que Buck Rogers, c'est une vieille BD avant la série en noir et blanc, je crois. Je ne sais plus dans quoi ça paraissait. Et Ouais, Zorro aussi, pas tout c'est jeune. du Et comics. ça a été adapté. C'est du comics. Ouais, C'est. donc il y a encore plus. On peut Non, aller chercher encore plus loin, en fait. t'as totalement raison. Buck Rogers, c'est du comics. Et par contre, pour Zorro, c'est une bonne question. Je sais pas qu'est-ce qui est le plus vieux, en fait. Je sais pas. J'ignorais totalement que Zorro, c'était un héros de comics à la base. Je pensais que c'était de la BD. Ben, c'est pas français, donc je me dis, vu que ça vient des États-Unis. Ça Et devait c'est un s'appeler du comics. comics C'est là-bas. un comics. Par défaut, tous. Alors, c'est comme nous. On va dire que Titeuf, que Scorpion, c'est de la BD franco-belge. Donc, c'est un personnage de BD. Zorro, Buck Rogers, Batman, Spider-Man. C'est de la BD américaine. C'est du comics. Et puis après, on va arriver sur du Naruto, Son Goku et compagnie. C'est du manga. Ouais, c'est vrai que Et Zorro est un personnage américain en fait, créé en 1919, donc oui. je crois même que Tank Girl a été adapté aussi en jeu de rôle, je crois, par West End Games dans Oh! les 90, je crois. Ça aussi, c'est du comics. Ah oui. Ah oui. Oui, Ouais, oui. mais c'est Ça a trop été bien que Tank utilisé. Girl soit en comics. Enfin, que Dans les années son. 90, je sais plus quelle année, je crois que c'était les mêmes que Star Wars, justement, avec le système D6 dont on parlait tout à l'heure, là. Il y a Sin City aussi. qui a été adapté, mais pas vraiment jeu de rôle. Je crois que celui-ci a été intégré dans un autre système, je crois Hero System, les personnages. Myria, je crois qu'il est dans pas mal de trucs aussi. Et de mémoire, j'avais lu l'autre jour aussi. Je sais plus comment ça s'appelle ce truc. Merde, pardon, désolé. Alors, le temps que tu 300, cherches. 300 aussi, je crois, qui avait été, ils avaient pris les personnages de Frank Miller pour les adapter, je crois, aussi au système Hero System de mémoire. Après ça, c'est compliqué parce que bon, 300, c'est quand même à la base une vraie histoire. Alors, est-ce que c'est vraiment adapté ou pas? C'est une bonne question. Alors, c'est juste des éléments hein, du comics qu'ils ont sorti, hein, pas de l'histoire, comme. Parce que j'ai vu que ça se fait souvent, en fait, ça, que dans des suppléments, même de fanzines et tout, on sorte des personnages issus d'une BD ou d'une série et tout, pour les intégrer en PNJ, dans du ADD ou du GURPS ou du Savage World comme système, quoi. Ils sont assez quand même ouverts, quoi, ou Hero System. On peut vraiment intégrer. Je parlais tout à l'heure du Joker, tu vois, dans des D5, des trucs comme ça, quoi. C'est ça qui est. T'as une possibilité énorme dans la culture. Enfin, je m'égare, pardon. Excusez-moi. Non, mais on est là pour ça, on est là pour discuter de comics, de manga, de BD, de jeux de rôle. Donc t'es totalement dans le thème. Pourrait peut-être même, parce que en parlant de. On parle beaucoup de jeux de rôle et tout, mais il y a aussi quand même pas mal d'illustrateurs américains quand même qui bossent dessus, je crois. Ou italien, t'as Simone Bianchi, je crois, qui a fait aussi du comics, de l'illustration fantasy. Français, je crois que t'as Alexis Briclot, justement, qui a fait du comics. Il a fait aussi du Magic, des illustrations pour Corpse. Enfin bon, je m'égare. Excuse-moi. Ah non, il y a pas du tout. Il y a Nico Henrichon qui a travaillé sur du Magic également. Donc non, on peut en citer plein hein, comme ça. Donc maintenant, Sean Gordon Murphy sur Batman chez Monolith. Il y en a vraiment énormément qui travaillent dessus et pas mal d'illustrateurs. Merde. D'illustrateurs italiens notamment qui font beaucoup de travail pour les jeux, que ce soit jeux de cartes ou jeux de rôle. Mais bon, là aussi on peut vite s'éloigner du sujet. Et oui, alors c'est vrai que Dr. Jekyll a raison, il y a eu également Spawn, je l'avais déjà cité, mais bon, je le recite, ça fait toujours plaisir, chez Dark Horse, c'est Hellboy, donc voilà, beaucoup de jeux de rôle sont adaptés, enfin, beaucoup de comics arrivent en jeu de rôle, et ça arrive même l'inverse. Et The Goon aussi. Il y avait un projet. Alors, je ne sais pas s'il est sorti, par contre, mais je crois que The Goon d'Eric Powell devait aussi être adapté, il me semble, à System Savage World. Mais je ne sais pas si c'est sorti, ça. C'était il y a quelques années. Honnêtement, je sais pas. Alors attends, apparemment oui, c'est sur, oui c'est sorti pour C'est moi. sorti. Excellent. C'est bien du Savage World et compagnie, mais ouais, c'est sorti. D'accord, je savais pas. Merci pour l'info. Eh ben de rien, on est là pour ça. Alors, Du coup, manga et jeu de rôle. tu veux directement attaquer manga jeu de rôle? Tu veux pas passer par la France? Ah bah tu as Pas de parlé de problème, manga et pas de jeu de problème. rôle. Moi je pensais qu'on allait fermer par la France, mais comme tu veux. Bon, on peut fermer par la France. Allez, Ouais. donc manga et jeux de rôle, il y en a eu. Il y a eu des drôles de d'adaptation. Je pense que je vais parler de Dragon Ball. Je pense que c'est ce qui m'a le plus surpris, c'est les jeux de rôle Dragon Ball. J'étais pas du tout au courant qu'ils avaient fait ce genre de choses. C'est sorti en France? C'est sorti il y a pas mal d'années. J'étais même pas né. D'accord. Ah oui, du coup, première vague, enfin quand on a eu les dessins animés pour la première fois en France, c'est ça? Je pense. J'aime pas quand il dit j'étais même pas né. J'ai Ah. l'impression Moi d'être non. un vieux, mais un vieux quoi. J'étais pas née non plus. Non, mais allez, c'est bon. Bon, je vais me coucher. Allez, bonne soirée. Alors, Au secours. Non, depuis 90, je suis désolée. mais Ah si, voilà. j'étais né. Pardon, excuse-moi, reste, reste, Ah, j'étais merci. né. Aux États-Unis, il y a eu Dragon Ball Z qui est sorti en 99, et 2 ans plus tard, ils avaient sorti The Freezer Saga en 2001, donc ça, c'est bon, j'étais né. Et alors, j'en avais vu un autre, je crois que lui était purement italien, mais pour répondre à la question, non, je pense pas que ça soit sorti en France. En tout cas, plus je regarde, moins je vois. Non, le deuxième, donc c'est Dragon Ball plus Dragon Ball Z qui était sorti en 99 chez nos amis italiens. Donc non, c'est pas sorti. Et voilà. Alors, j'ai oublié. Non, mais on en parlera plus tard. Donc voilà. Il y a un petit projet aussi, enfin un petit projet, petit n'est pas le mot, mais c'est pas du manga, c'est du manhwa, mais tu avais City Hall de Rémi Guérin et Guillaume Lapeyre qui a été adapté par Ankama dans les, y a, bon, je sais plus il y a combien d'années, dans l'univers aussi. Et je voulais en parler, mais je voulais en parler du côté Pardon? français. Mais tu as totalement raison. City Hall qui est sorti en manga, et puis après, ça a été adapté en jeu de rôle. C'est intéressant d'ailleurs parce que c'est encore marqué jeu d'aventure et pas jeu de rôle. Comme celui de Freak Squill, celui de Modou, sur la couverture. C'est jeu d'aventure qu'ils mettent dessus? Ben, en tout cas, quand on cherche sur Google, c'est marqué jeu d'aventure et pas jeu de rôle. C'est un truc qui est assez intéressant. Enfin, là, quand je vois en tout cas City Hall, le jeu d'aventure, oui, c'est ça. Ok, c'est ouais. C'est sur la couverture, c'est marqué comme ça. Ah, d'ailleurs, c'est intéressant en fait que beaucoup de livres qui sont un peu hybrides comme ça, qui viennent de la BD, soient marqués jeux d'aventure et pas JDR. Bah, d'ailleurs, enfin, de toute façon, Freak Squill, c'est aussi par Ankama. Je sais pas s'il y a un avantage, une manière de se positionner différente sur le marché en disant c'est pas un jeu de rôle, c'est un jeu d'aventure, peut-être plus ouvert aux néophytes. Alors, je pense que c'est peut-être à cause de la mauvaise pub qu'a eu le jeu de rôle. Une image qui est encore présente? On entend toujours un peu parler de cette image un peu salissante. Moins que. Ouais, je sais pas. À une époque, oui, quand j'étais jeune, hein, puisqu'on disait que ça faisait tomber fou, ce genre de choses, que c'était des sectes, avec des gourous, les MJ. Ça, c'est quand j'étais ado. Hein. C'était un peu le truc. Il y avait même eu des reportages télé hein, là-dessus, hein. Honnêtement. Et ça faisait. Mais non, pas du tout, quoi. Au contraire, ça fait travailler l'imaginaire. Enfin, ça permet de t'exprimer. Enfin, c'est bizarre. Ouais, c'est un peu comme le jeu vidéo qui passe au JT maintenant en disant bah, c'est des gens qui deviennent fous et qui sont sur l'ordinateur, qui sont solitaires et qui tuent des gens après. Exactement. À fait. Ouais. D'accord. Tu deviens un psychopathe quand tu joues au jeu de rôle, tu comprends? Si tu sors pas de ton personnage, Voilà, c'est t'imagines. ça. Ouais. Moi, je me rappelle même être passée chez un antiquaire qui, enfin, je lui avais parlé, en fait, je cherchais une carte pour un jeu de rôle et il avait des vieilles cartes et il me dit, ouais, enfin, je lui dis, ouais, c'est pour un jeu de rôle. Et il me dit, quoi, c'est un truc sexuel? Je fais, non. Et là, je l'ai Putain. regardé en tombant de nu et il dit, ouais, non, mais j'ai entendu parler de ces jeux de rôle, là, c'est des trucs bizarres. Enfin, du coup, il m'a regardé un peu, genre, finalement, j'ai pas acheté ma carte. Mais c'est vrai que cette image est un peu. Ah, ouais. Bah, Ah c'est oui, ce que bah, Kevin j'allais dit in répondre. nomine Satanis, le Oui, titre voilà. après. Innominé Satanis et Magna Oui. Veritas également qui ont eu vraiment une très très mauvaise pub à l'époque et toujours un peu. Et pourtant, c'est un Culte. jeu assez fun. T'avais culte aussi. Et je Non mais connaissais voilà, on pas. peut pas faire des jeux de rôle avec des pâquerettes dessus pour faire plaisir à tout le monde à un moment. Enfin. Ou alors faut mettre des arcs-en-ciel sur toutes les couvertures de jeux de rôle en disant c'est inoffensif. Sinon, tu as eu aussi les Chevaliers du Zodiaque, je pense. J'y pense, qui a été aussi adapté en jeu de rôle. Ah ouais. En parlant de manga et Sailor Moon. Sailor Dans Moon? Ah, trop le bien! système GURPS animé qu'ils avaient fait. Et intégré aussi au système Hero System dont je parlais tout à l'heure. Princesse Mononoke aussi, ça a été, ils l'ont intégré dans le Hero System. Alors, ce n'est pas des jeux de rôle, bien sûr, à part entière. Hein. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire, c'est pas le jeu de rôle sur Princesse Mononoke, c'est comment dire une aide de jeu qu'on va sortir avec les personnages qu'on va pouvoir intégrer dans un jeu, quoi. D'accord. Donc c'est pas un système entier, quoi. C'est une aide pour entrer dans l'univers. Ok. T'as eu Gum aussi, de mémoire. Je sais pas comment on prononce Gum. Gun. Gun. Gun. Voilà, ouais. Prononce pas. Et Cobra. Cobra aussi, par contre, jeu de rôle à part entière. Et Ah, Cobra mais en qui est même temps, avec sorti l'univers, ouais. dernièrement en France également. Ouais, en français, mais par contre, ils ont eu des galères, je crois, avec les droits japonais, parce qu'ils sont très très stricts. Il paraît qu'ils... D'après ce que j'ai entendu dire, en gros, ils n'arrivaient pas vraiment à sortir du truc, parce qu'à chaque fois qu'ils proposaient quelque chose, c'était tout le temps rejeté, et le système, bah, il n'y aura pas de supplément, à moins que quelqu'un reprenne le truc. Mais ça a l'air d'être compliqué quand tu veux utiliser les licences asiatiques. Ben en fait, le Japon, c'est un pays compliqué aussi. Hein. Enfin, tant qu'ils sont pas sûrs que ça marche à 99, enfin à 100%, ils vont pas valider. Et c'est un peu protocolaire pour tout faire. Donc, le jeu de rôle, ça m'étonne même pas. C'est pas faux. Pour Cobra, il y a eu donc le guide du joueur qui est sorti et également un supplément qui s'appelle le Rug Ball Ouais. qui est sorti 2 ans plus tard avec en même temps quasiment l'écran. Donc il y a quand même eu un petit supplément, mais c'est Ouais. vrai que Cobra reste un monde bien sympathique à explorer. Et puis Rock Ball, va pour le trouver maintenant. Et si tu le trouves, vois les prix. Ah, Ouais, pour ça pouvoir aussi jouer fait des coups de plaisir. dead. Non, mais c'est un scandale. Je sais aussi qu'il y avait Akira qui avait été adapté, mais pour le jeu de rôle Simulacre. Alors ça, c'est plus tout jeune, hein. Ça doit être du... C'était dans Casus Belli, je crois, à l'époque. Qui existe toujours, hein, Casus. Donc ça existe. Si, ça existe toujours. Si, si. Si, je vais me faire trucider par des gens là sur Discord. Il remet ils en ont doute. médit sur Casus Belli, ils ont dit que c'était fermé. Et alors, j'y ai jamais joué, mais j'en ai toujours entendu parler. C'est Lycéen RPG également. Un bon jeu amateur, certes, mais on en est à sa 4e version de. Et c'est Lycéen RPG, quoi. Lycéenne RPG, comme une fille qui va au lycée? Quoi? C'est quoi ce truc? C'est un Vas-y, jeu de développe-moi. rôle amateur où on joue des lycéennes. C'est un jeu de romance? C'est quoi? C'est monde ouvert, bac à sable? Je dirais que c'est quelque chose dans un esprit très japonais, très tordu. En tout cas, mon président de club de jeux de rôle a toujours voulu essayer de nous le faire jouer, mais non, ça, on n'a jamais dit oui. Donc, Lycéenne est un jeu de rôle amateur qui permet de jouer des jeunes filles dans des lycées ou des pensionnats à notre époque ou au siècle précédent. Il s'agit d'un jeu de rôle basé essentiellement sur les sentiments des personnages. Mais au Japon. Parce que, enfin, suivant l'endroit où tu es dans le monde, c'est pas du tout la même éducation qu'ils ont eu, Ça, quoi. c'est clair. C'est. Lycéen simulateur en Inde, ouais, tu travailles déjà et tu as plusieurs enfants. Voilà, c'est Génial. ça. Donc, c'est où? Tu vas même plus à l'école, quoi. Voilà, c'est. C'est vrai que. Lycéenne. Alors, ça. Lycéen Ouais. RPG. Ok. Ça fait un peu penser à Atoful Boyfriend, le jeu où tu es dans un lycée pour pigeons et tu es le seul humain et tu dois sortir avec des pigeons. C'est même délire. Ok. Attends, et ça vient de chez qui, ce truc? Mais c'est un projet perso, c'est quoi? C'est C'est un truc entre... amateur, mais ça a Amateur. vécu avec son temps. La première version était sortie en automne 96, la deuxième en 2001, la 2.1 en 2002, la 2.5 en 2003, la 3 en 2003 et la version 4 6 ans plus tard, donc en printemps 2009. Ok, d'accord, il y a un bon suivi, quoi. C'est bien quand Lycéen t'as des jeux RPG comme pour ça. les amateurs de shoujo, donc c'est vraiment un truc mignon, cute, dans l'ambiance manga pour filles, quoi. Oui, non, mais attends, on peut très Scandale. vite le transformer en harem si on a envie. Je Bon, pense. les gars, enfin, je sais que c'est un milieu masculin, le jeu de rôle, mais quand même, on peut, enfin, non, elles sont mineures. Ouais. Une gothique, voilà. C'est bien ça. Voilà. Et tu m'étonnes qu'après les hommes n'aient pas d'attente réaliste vis-à-vis des femmes, quoi. Alors, je reconnais que j'aime bien les nouvelles expériences dans les jeux de rôle, les nouveaux concepts, mais là, t'as pas réussi à me vendre le truc, honnêtement. Parce Lycéen que, enfin. RPG, Non, mais Je bon. Ouais. préfère à Je la comprends. limite jouer à l'animé, enfin même pas à la limite, quoi. Je crois que les Chroniques des Guerres de Lodoss, ça a été adapté aussi en jeu de rôle, hein, si je me plante pas. Après, je sais pas si c'est un manga au fait ou si c'est un animé à l'origine. Ah, bonne question. Et je sais Donc, pas. j'avoue, parfois je sais pas. Je connais l'animé, mais je sais qu'il y a un manga, mais qui était le premier? T'as Ou tout s'il n'y a ou pas un là? light novel derrière, on ne sait jamais. Bah, si quelqu'un a l'info, je suis preneur aussi. Allez les gars, sur Google. Allez-y. Ah, c'est une série de romans à la base, Chronique de Lodoss. Ah d'accord. Ouais. Ah c'est des romans, c'est même pas du Voilà. manga. Ouais, bah c'est souvent, hein, t'as le roman qui marche, du coup ils adaptent jeux de rôle et machin et tout. Ouais, inspiré de Donjons et Dragons, l'univers de Tolkien, tu m'étonnes qu'il ait été adapté en JDR. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Ah, c'est souvent des romans à la base, hein. C'est juste que bon, les romans, ils nous parviennent pas et le manga, c'est plus simple à adapter, on va dire. Après, j'avoue que j'en vois pas d'autres. Enfin, comme ça, j'en vois pas d'autres. Si vous en avez, vous. Alors, oui, j'en ai un. Et Maid'Elève a pu jouer. C'est Anima. Alors, c'est pas Yeah. tiré d'un jeu d'un Un manga, manga. mais c'est vraiment bien tiré de l'univers japonais. Et plus particulièrement, je dirais, de Final Fantasy quand même. Ouais. C'était ma première expérience de jeu de rôle, c'est-à-dire que c'était vraiment les premiers jeux où je jouais et je ne savais pas ce que c'était qu'être RP, du coup je faisais rager tous les autres joueurs. Et je ne connaissais pas très bien Final Fantasy parce que je n'ai jamais réussi à jouer à cette saga. Donc j'étais un peu dans un univers avec des gens qui prenaient ça très au sérieux et qui étaient très, voilà, avec plein de références. Et c'était un baptême des flammes, on va dire, pour le jeu de rôle. C'était très intéressant, mais c'est vrai que la fiche de personnage où il y avait 6 pages, ça m'a un peu traumatisée dès le début. Alors, c'est vrai que. Alors, moi, j'ai jamais voulu masteriser, mais j'y ai déjà joué. J'ai un MJ qui a comme spécialité de ne pas mettre de barrière. Et toutes les 5 parties, il reboot. Parce qu'en fait, il nous donne trop de pouvoir. Et nous, on détruit le monde en 5 parties. Et c'est vrai que il me dit qu'il a des logiciels sur son PC pour les combats, pour faciliter sa vie. Ouais, c'est pour ça. L'anima, ça m'a fait vraiment l'image d'une usine à gaz. C'est un petit peu le souci que j'avais avec, parce qu'au final, comme en tant que néophyte, je ne comprenais pas exactement mes pouvoirs et je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? Et au final, je ne faisais que taper avec une épée, alors que j'avais beaucoup plus de pouvoir que ça et c'était un petit peu frustrant. Est-ce que au moins tu réussissais à bien taper? Ah oui, non, mais j'étais Brienne dans ce jeu. Hein. Ah, C'était d'accord, Brienne, ok. mais avant Game of Thrones, je tartais tout le monde. Donc ça va, j'étais efficace. J'étais la seule qui faisait vraiment enfin, qui tapait, en fait, d'ailleurs. Et je savais que je le faisais bien. Mais par contre, pour le reste, enquêter, trouver objets cachés et tout ça, j'étais perdue. Donc je laissais les autres faire. Et ouais, on a réussi à pas mourir, donc c'était cool. Mais ouais, j'étais un peu sans trop comprendre ce que je faisais. Donc première expérience Anima, c'est pas trop ce que je conseille. Alors, par contre, il y a une compétence clé dans Anima que j'adore, c'est style. Oui, ça c'est vrai. Une fois que tu connais bien ton maître, enfin, tes règles de jeu, tu peux faire des attaques stylées. Ça c'est cool. Franchement, c'est ce que je préfère le plus. Alors, moi en plus dans le jeu de rôle, j'ai l'habitude de jouer en parité. Un jour, enfin sur une partie, je vais jouer un homme, la partie d'après, je vais jouer une femme, et etc. etc. Et j'essaye un peu de varier la psyché des persos. Et c'est vrai que Anima, j'ai pu jouer des hommes et des femmes, mais à chaque fois, ce qui m'intéressait, c'était le style. D'accord. Là, tu m'interpelles. Je vais te poser une question sur ton style de jeu, parce que c'est un truc, moi, en tant que maître de jeu, j'ai jamais voulu qu'un joueur joue un personnage féminin et inversement, une femme joue un personnage masculin. Parce que à chaque fois, moi j'ai constaté que le joueur qui joue un personnage masculin, si c'est une joueuse, pardon, excuse-moi, je me suis, bah, elle va jouer comme une avec des réflexes féminins et pareil, le mec il n'arrivera jamais à jouer, ça sera toujours. Donc moi j'interdis ça. Comment t'arrives toi à gérer passage en tant qu'homme, te mettre dans la peau d'une femme, parce que c'est des psychés complètement différentes, quoi, tu vois. Les joueurs qui arrivent, j'avoue que je les admire. Alors, moi je pars du principe que je crée mon perso et il a un profil psychologique et que je vais essayer de le suivre De A à Z. Dernièrement, donc j'avais fait, je suis en train d'expérimenter en alpha un jeu StarCraft qui pourrait peut-être devenir officiel, où je joue donc un vrai Space Marine, c'est un peu brutos, à la limite nazi quand même, faut le dire. D'accord, Oui, ok. non, non, non, mais si Pas tu d'état veux. d'âme. C'est vraiment l'esprit du personnage, la patrie, ceci, cela. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème là-dessus. Et à chaque fois, j'essaie de suivre sa trame psychologique. Et à un moment, j'étais devant des enfants et c'était une famille qui avait trahi. Et donc, j'ai exécuté père, mère, et puis après, j'ai achevé les enfants. Et ça, d'une froideur extrême, ça avait fait pâlir quelques joueurs. Mais voilà. Et après, de l'autre côté, quand je joue une femme, c'est toujours pareil. Je prends la fiche psychologique et je vais jouer la fiche psychologique. J'ai deux exemples. J'adore le jeu L5R, qu'on peut également catégoriser dans les adaptations de manga, parce que c'est très romancé à la façon américaine. Et sur L5R, je ne sais pas si vous connaissez ou pas du tout. Moi, j'ai déjà joué, je fais des campagnes dessus. Donc, il y a plusieurs clans, et généralement, je crois que j'ai essayé quasiment tous les clans, mais j'avais un perso Scorpion, donc Le meilleur clan. forcément, le plus respectable de l'Empire. Et je jouais de mes charmes pour piéger une grue. Ça a bien marché. Alors, pour rappel, une grue, c'est un membre du clan des grues, pas de la. Enfin, voilà. On ne braque pas les animaux dans L5R. Non, non, non. Et voilà, donc. Malheureusement, j'ai perdu ce perso parce qu'elle a dû se marier avec cette grue, malheureusement. Et oui, aussi Nili's Ancient Chantier. Et de l'autre côté, j'ai joué une grue qui, elle, était une artiste et c'était très prude, très, très dans son art, très, très forgée dans ce qu'elle comptait faire. Et voilà, donc c'est pour ça que je pense que suivant comment on travaille, on peut très bien, tant qu'on suit son personnage et la fiche psychologique de son personnage, on peut très bien réussir de passer d'un homme à une femme sans problème. Alors, vous trouvez pas ça un tout petit poil cliché que ce soit l'homme qui tue les gens de sang-froid et que la femme elle soit artiste, elle utilise ses charmes? Non, alors C'est attends. pour ça que j'interdis parce que les mecs vont tout le temps jouer des nanas qui vont utiliser des charmes. Pas ma grue. Pas ma grue. Souvent. Ma... Oui, mais du coup, c'est une femme artiste. Enfin, t'as un peu ce côté sensible, délicat, très orienté vers l'émotionnel et qui me frustre un peu parce qu'on a tendance du coup à mettre les femmes du côté émotionnel, subtil, enfin, chose un peu sur le côté, et femmes et hommes frontal, froid, logique et très direct, qui est un peu dommage. Enfin, moi, j'ai tendance à beaucoup jouer des hommes parce qu'en fait, en tant que joueuse de jeux vidéo, en tant qu'ado, en fait, j'ai toujours joué des hommes, que ce soit bah, Geralt de Rive, le Prince de Perse, tous les jeux auxquels j'ai pu jouer, en fait, en tant que jeune joueuse, on m'a imposé un personnage masculin parce qu'en fait, on disait, bah, il n'y a pas de joueuse, il y a des joueurs. Et on doit aller avec les joueurs, on doit faire des hommes musclés, forts et brutasses, donc des Kratos, des gens qui tapent enfin, qui tapent des méchants avec des grosses épées et qui vont coucher avec des filles, des sorcières, des meufs sexy. Donc c'est un peu quelque chose qui est ancré en fait de se dire je vais jouer un personnage masculin et c'est pour ça que maintenant je joue très peu des femmes. Parce qu'en fait je me dis ben j'ai cette habitude d'être dans un jeu et de m'imaginer dans la psyché d'un homme. Ah Donc c'est mais... pour ça que maintenant je fais plus la transition. Il m'est arrivé maintenant de jouer des femmes, mais c'est plus des femmes qui sont plus radicales. C'est pour ça que la dernière campagne que je fais c'est du Vampire la Mascarade et je joue une femme noire aux États-Unis qui est bah du coup, racisée, mais aussi artiste, mais en même temps extrêmement virulente, politisée, tout ça. Donc voilà, c'est pas. Enfin, j'essaie quand même de sortir de ce truc de la femme, elle va utiliser le poison et des petites dagues et puis des éventails, et l'homme, il va avoir une grosse épée, en fait. Attends. C'est un peu des trucs qu'on nous a imposés, et je trouve ça très dommage. Bon, c'est pas. Enfin, contre toi, Geoffrey, hein, c'est vraiment un constat que je fais sur les parties que je vois. Et voilà, donc je me dis. c'est un peu dommage du coup d'interdire aux gens de pouvoir l'expérimenter, parce que enfin, faire une expérience de pensée en étant un autre genre, c'est vraiment intéressant. Ça permet du coup de penser aux limites de ce genre et qu'est-ce qu'on attend de nous. Mais en même temps, c'est vrai que souvent on tombe sur des attentes qui sont un peu chiantes. Là, c'est vrai que sur la campagne du coup de la mascarade, je joue une femme, je suis avec que des mecs, et il y en a deux qui jouent des femmes aussi. Et en fait, bah, elles sont tout le temps sur le maquillage, les belles choses, et à draguer les autres vampires. Et c'est vrai que ça me blase un petit peu. Donc Attends, voilà, si ça te j'ai fait rassure, mon quart d'heure ouin ouin. j'ai quand même mon personnage féminin à Kodo. Et elle, c'est une brute. Ah Si bah tu veux. voilà, pourquoi t'en as pas parlé plus tôt? Non, Il nous faut des femmes brutales dans le jeu de rôle. mais moi, je vous propose enfin, je te propose une solution. Moi, je masterise un jeu de rôle qui est mon coup de cœur, que j'ai fait évoluer, qui a plus tellement à voir avec l'original au niveau du background et de l'univers. Warhammer. Warhammer, pourquoi? Parce que ce que j'adore dans ce jeu, c'est que tu choisis peut-être ton sexe, toutes tes compétences, tu les tires au hasard, mais ton métier aussi. Et tu peux très bien te retrouver un homme qui a envie de jouer la brutasse, mais désolé, t'es muletier, t'es ratier. Et en même temps, une qui joue à la femme, et elle va se retrouver, je sais pas moi, spadassin, donc une guerrière. Et tu peux te retrouver dans un groupe avec un qui est une femme puissante, et l'autre, bah, au jet de dés, bah, il n'a pas eu un super rôle, quoi. Mais après, tu as ta carrière où tu peux évoluer, après transformer ton personnage, où tu peux l'amener justement vers plus de finesse, plus de brutalité, plus de clairvoyance, je sais pas, etc. Enfin bon, ça c'est un truc que j'aime beaucoup parce que les joueurs ne peuvent pas, parce que souvent, quand tu commences une partie, tu veux tel personnage, tu veux être comme ci, comme ça, tu veux tout de suite faire des super sorts, tu veux tout de suite pouvoir faire des trucs de dingue, alors que ce jeu-là, bah, souvent, ça te... Tu commences en bas de l'échelle. T'as pas choisi où t'es né, c'est comme la race. Je leur fais tirer au hasard. Donc ils n'ont pas choisi où ils sont nés, ils n'ont pas choisi leur race. Bah, tu vas vivre avec ce bagage et évoluer avec. Et ça, j'aime beaucoup, enfin, particulièrement dans Warhammer. Ouais, puis c'est, enfin, au final, c'est l'expérience de la vraie vie. Enfin, on est dans un corps qui est du coup pas décidé par nous, Voilà. et ça nous met des contraintes dans lesquelles on doit évoluer. Donc ça C'est qui est ça. enfin peut-être plus intéressant en fait, limite de dire tu vas pas choisir si tu joues un homme ou une femme ou quelqu'un qui est entre les deux, parce que maintenant le spectre est quand même vachement plus varié. Peut-être dire, voilà, on va tirer au hasard sur le spectre entre masculinité et féminité, tu es à peu près au milieu ou à gauche ou à droite, et tu vas devoir faire avec. C'est Ça ça. pourrait être très très drôle. Bon, après, il y en a qui n'aiment pas. Mais bon, système, moi, j'aime bien. Ah oui. Oui. C'est vrai que c'est pas évident d'imposer ça à quelqu'un. Enfin, cet exercice d'empathie, en même temps de travailler ton cerveau pour te dire je vais me mettre à la place de quelqu'un ou dans la posture de quelqu'un d'autre, c'est pas quelque chose de facile, surtout que bon, il y a des gens qui font du jeu de rôle pour rigoler et s'amuser. Donc voilà. Ne dis pas l'imposer, mais au moins essayer de faire à un moment peut-être changer les rôles. Ça peut être bien pour du coup l'empathie, comprendre ce que les autres vivent. Enfin, c'est là que le JDR, en fait, ça devient un outil social et que ça permet d'éduquer les gens, en fait. C'est profond ce qu'on dit là, Il faut ici. j'imagine. Waouh, je n'ai pas l'habitude. Ah. En fait, j'ai beaucoup travaillé Désolé. avec des enfants et des handicapés dans enfin, milieux culturels qui sont assez variés. Et le JDR, c'est vraiment un outil génial pour faire réfléchir. Et c'est pour ça, en fait, que j'adore. On a fait du jeu de rôle avec, enfin, jeu de rôle, des choses assez simplifiées avec des enfants et des enfants autistes. Et en fait, c'était vraiment super intéressant de leur dire, voilà, l'expérience de ta pensée, en fait, maintenant on entre dans un milieu de fantaisie et tu peux être quelqu'un d'autre et faire autre chose. Et du coup, c'est vrai que pour les enfants autistes, c'était vraiment une porte ouverte. Quand ils sont dans des écoles qui sont assez contrôlées et où au final, on leur dit, le monde extérieur, pour l'instant, c'est pas encore tout à fait pour toi. Ils veulent juste s'évader, en fait. Et c'était génial pour eux de dire, voilà, tu peux être ce que tu veux et en fait, on va jouer. Et on va être ça. Le jeu de rôle, en fait, c'est un outil magique pour ça, en fait, de faire comprendre l'extérieur et les autres personnes, enfin, surtout pour des personnes qui sont très renfermées sur elles-mêmes, c'est assez génial. J'ai vécu à peu près ce genre d'expérience avec un MJ qui voulait nous faire une partie d'initiation à Loup-Garou. Et en fait, il nous faisait à la rigueur choisir nos profils psychologiques, mais c'était tout. Il avait déjà préconçu les personnages et il nous avait même pas donné nos compétences ni rien. Il nous disait le nombre de dés lancés au moment venu, mais c'était tout. Ah, mais ça, c'est. Ouais, là, par contre, là, je trouve. À la limite, pour tester un nouveau jeu, Comme ça, un one shot, un petit scénar d'1 heure, 2 heures, pourquoi pas, je reconnais, mais imposer ça sur toutes les parties, parce que moi j'ai un maître de jeu qui est comme ça là, et je t'avoue que j'ai un peu du mal à rentrer parfois dans le personnage parce que bah, tout est imposé, le physique, j'ai tout eu quoi. Donc. Ouais, après, si tu veux, c'était vraiment sur une partie d'initiation. D'habitude, il fonctionne pas du tout comme ça. Ah oui, d'accord, ouais. Ouais. Bah, Sur un one shot, ça marche. voilà, sur un one shot, ouais. Mais pas dans une campagne. C'est pas possible. C'est vrai que là, si on te met ce truc où t'es vraiment pas à l'aise et que tu sais pas le jouer, enfin, il faut quand même un minimum de travailler avec son MJ pour dire voilà, je peux jouer ça en fait. Bon, c'est comme les acteurs, enfin, tu peux Ouais, pas c'est jouer ça. tout et n'importe quoi. C'est vrai que on a des limites à l'ouverture d'esprit. Et je sais qu'il y a des personnages, enfin, si on me les proposait, j'ai beaucoup de mal à les mettre dedans, quoi. Donc Ça, et surtout quand faut un t'arrives peu le aussi. dernier, tu sais, à la Oui. soirée, il n'y a plus qu'un prêt tiré. À la limite, les autres, ils ont pu choisir entre plusieurs. Et toi, tu te retrouves avec celui que personne ne veut. Ouais, Merci, les gars. c'est le Merci. dernier toast sur le plateau, celui qui est un peu chauffé dans la soirée et que personne ne veut parce qu'il n'est pas très beau. C'est Ah, ça. c'est pas moi, yes. Il va falloir que tu te donnes plus, du coup, pour rentrer dans le jeu et pour être crédible. Parce que tout le monde va te voir comme le loser du groupe. Ah. Oh non, ça c'est méchant quand même. J'espère que tous les joueurs ne voient pas comme ça en faisant des lundis à table. Ça, c'est affreux. Bon, désolé, avec ma question que je t'avais posée, j'ai dérivé de la discussion. Non, mais il y a aucun problème là-dessus. On est là pour parler de jeux de rôle, donc on va pas se jeter la pierre. Il y a vraiment aucun problème. Alors, en jeu de rôle, j'avais vite fait évoquer L5R avec mes trois persos du coup que j'ai cités. Est-ce que vous avez pu essayer L5R ou est-ce que vous avez pu essayer d'autres jeux tirés de manga ou de l'expérience manga, on va dire? Ouais. Bah, j'avais pu tester le 5R, j'avais fait une campagne dessus et c'était très intéressant. Enfin, c'était quand même un univers assez dense à entrer dedans, on va dire. J'aime bien pouvoir rentrer dans un jeu et m'installer assez rapidement. Là, c'est vrai que c'est presque du jeu de rôle historique. On m'a dit, ouais, t'as 2000 ans d'histoire avant et encore 5000 après à bouffer. Voilà, c'est le genre de jeu de rôle que je peux apprécier beaucoup, mais à petite dose, au final, là, la campagne s'est plutôt bien passée. Et j'avais beaucoup apprécié, en fait, l'univers qui était très, très riche. Et enfin, bon, c'est vrai que on dit que c'est Japon, mais au final, c'est vraiment plus l'Asie à grande échelle. Et c'était très intéressant, du coup, de pouvoir, à la manière dont on codifie les strates, les différents grades, le rapport aux autres. Ça qui m'avait beaucoup marqué, en fait, parce qu'au final, on faisait une grosse campagne très sociale et très. Enfin, on va voir des gens et des daimyo et on va leur demander de pouvoir nous aider. Donc, c'était vraiment une quête diplomate et ça avait été assez dépaysant. Enfin, franchement, très agréable, même s'il y avait beaucoup de choses à apprendre. Enfin, surtout quand on te balance directement diplomate. Si tu fais une erreur, enfin, que les autres ils sont, enfin, tu perds de l'honneur ou que les autres perdent de l'honneur, t'es un peu vite dans la merde. Mais ouais, c'était une très bonne expérience. Et de ton côté, Oh non, mais en fait, je suis en train de me dire que je suis un peu un con là, parce que j'ai jamais vraiment testé de jeu de rôle sur les comics ni sur le manga, quoi. En fait, je suis très très. Il suffit ici. sur le reste, quoi, mais pas là. Non, après, j'ai juste fait une fois une partie de City Hall, mais en fait, ça a jamais été plus loin, puisqu'il y a eu le Covid qui est arrivé. Donc voilà. Ça a été une expérience brève, on va dire, dans l'univers. Mais le background, j'aimais beaucoup, en tout cas. Ben voilà, maintenant c'est quoi commander pour Noël? Là? Oui. Ah bah oui, plein de jeux de rôle sur le manga et sur le comics. Non, non, non, c'est peut-être Alien RPG qui Ah, m'intéresse ah beaucoup. oui. C'est un jeu shoujo sur les aliens. Non, non, mais en tout cas, parce que tu as l'univers qui est déjà bien présent, et puis c'est vrai que ce genre de jeu, quand tu as un gros background, les joueurs rentrent tout de suite dedans, quoi. Ils connaissent, quoi. Quand c'est des univers nouveaux, c'est compliqué, il faut des visuels, il faut. Mais là, quand tu as Ouais. des licences fortes, ça t'adhères. Ouais. Ça, c'est ça qui est bien. Enfin, l'imaginaire est déjà posé, donc au final, t'as qu'à mettre ton scénario dedans. C'est C'est assez ça. pratique. Et City Hall, on va y arriver, mais est-ce que tu pourrais parler un peu de ton auteur de ta petite expérience sur City Hall parce que je connais pas du tout ni le manga ni rien et je suis assez curieux. Oula, ok, jeu drôle. Alors, en fait, City Hall, c'est bon. Généralement, les parties, tu les fais plus à 4, 5 joueurs, grand maxi pour un bon maître de jeu. Ça vient de chez Ankama, je crois, hein, celui qui avait fait la BD. En fait, c'est un monde en gros qui se passe au XVIIe siècle. Le pouvoir, en fait, dans le background, c'est l'écriture, en gros, c'est devenu un outil d'une puissance incroyable. En gros, tu pouvais, quand tu écrivais quelque chose, ça prenait vie. Voilà. Je crois que c'était les paper cuts, hein, parce que j'ai fait qu'une partie, hein, comme je te dis. Hein. En fait, tu as une espèce de guerre qui se passe dans l'univers. Alors, sur Discord, s'il y en a qui connaissent mieux, qui me corrigent. Du tout. La Grande Guerre, en gros, qui a éclaté, en gros, après cet âge d'or. Et en gros, toute la magie, en fait, a disparu parce que les écrivains, ils ont tous été traqués, exécutés, et tout le papier a été mis au feu. Voilà. Excusez-moi, je vous coupe 2 secondes, c'est qu'Edrard, pendant que vous discutez, j'essaye de mettre en même temps en live des images à chaque fois de ce que vous dites. Donc sur Oui. le Twitch, à chaque fois, j'alimente ce que vous dites avec des images. Donc je les Oui. montre actuellement, justement. Ah, Oui, t'as les images de City Hall. Ah oui, d'accord, ok. je les télécharge en live et je les mets en live Oh à là chaque là, comment t'es fois. en train de bosser comme un ouf Trop là, mec. bien. Tu vas perdre des kilos à la fin. Et en gros, voilà, ça se passe. Et en 1850, je crois que c'est à peu près là que ça prend place. En gros, le monde, il a continué à sa route, quoi, avec une technologie steampunk. En gros, électricité, tu sais, enfin, vous voyez bien l'univers steampunk. Dans une sorte de Londres, quoi. Un peu à la Jules Verne, t'es dedans, et tu joues des personnages, en gros, qui ont plusieurs aptitudes, avec des orientations différentes, des vocations. Tu peux être soldat, garde du corps. Bon, là, je donne des trucs un peu brutasses, un peu masculins, dans les clichés, on va dire. Mais enfin, bon. Voilà, tu as des points à répartir. Les compétences, je crois que c'est les quatre traits. Tu as le charisme, l'esprit, la vigueur et le mouvement, quoi. Enfin, voilà, c'est dans cet univers-là et c'est assez intéressant, quoi. Et toi, tu peux avoir des pouvoirs de mémoire où tu écris. Enfin, voilà. Bon, excusez-moi. C'est Non, ça a l'air surtout cool comme principe. les combats, en gros, je crois que c'est surtout l'initiative de mémoire qui gère les GD initiative, qui gère tout. D'accord. La Donc c'est le premier qui rapidité. chope son crayon et qui dessine un truc qui gagne. Voilà. De mémoire, comme je dis, j'ai juste fait une partie. Mais le background a l'air assez récent, surtout au steampunk, parce que bon, tu penses forcément à Jules Verne, des trucs comme ça. Hein, tu colles tout de suite, ou en parlant de bande dessinée, comment ça s'appelle, franco-belge. Hauteville House, par exemple. Une très bonne série steampunk. Voilà, bon, pardon. Non, Je mais. m'égare encore, je m'égare. Non, mais on est là pour parler de jeux de rôle et c'était quand même assez intéressant de savoir parce que bon, je connaissais pas du tout la chose. À l'ailleurs, vu que tu as parlé de franco-belge, je pense que c'est le bon moment de transiter vers le franco-belge. Voilà, il y a beaucoup à Excellente dire là. transition. Il y a beaucoup à dire, oui. Eh bien, écoute, s'il y a beaucoup à dire, je te laisse la parole. Oh là, d'accord, ok. Bon, dans les adaptations franco-belges, c'est vrai que ces années, en plus avec les systèmes de Kickstarter, vous avez Ulule, le Game on Tabletop, je crois, Game on Found, de plus en plus qui proposent des jeux de rôle. Là, le dernier, je crois, qui est sorti en Kickstarter il y a pas longtemps, c'est Les Terres d'Arran, scénarisé la bande dessinée par Jean-Luc Histin et qui regroupe de mémoire, je crois, les séries, en fait, Elfes, Nains, Orcs, Mages non, c'est Orcs et Gobelins et Mages, je crois, chez Soleil Édition. Ils ont sorti le jeu de rôle, là, il y a pas longtemps. Je sais aussi que tu as The Troubleshooters, c'est un jeu de rôle en fait qui est inspiré de la BD franco-belge. C'est des Suédois fans de BD franco-belge qui ont sorti ça. Et tu retrouves un peu de l'univers de Spirou dedans, etc. Je crois qu'il va être sorti, ou il est peut-être déjà sorti en français. Donc c'est vrai qu'il y a un spectre super large. Il y a Aqua Blue aussi, qui est sorti en jeu de rôle il y a pas longtemps. Il y en a plein. Je crois qu'il y a aussi un projet sur la bande dessinée Servitude d'Éric Bourgier et Fabrice David chez Black Book Édition. D'accord. Voilà. T'as eu les Schtroumpfs qui est sorti il y a longtemps en jeu de rôle. Donc il y a quand même déjà, je pense, une grosse source avec. Il y a les quatre de Baker Street aussi, Prince Vaillant qui était sorti, je crois. Le petit Nicolas aussi, qui a été adapté en jeu de rôle. Oui. Ah oui. Ouais, en Non. anglais, mais par des. Je crois que c'est par des fans. Hein. C'est pas un truc que tu trouves sur le marché, mais bah, la caste des métabarons. Oh là là. Ah oui, mais les métabarons, c'est génial en même temps. Voilà, les maîtres cartographes aussi, mais c'était juste des scénarios, c'est sous Casus Belli, je crois. Les chroniques de la Lune Noire, j'ai oublié. Oh là là, les chroniques de la Lune Noire, quand même. Gros, gros truc, avec une grosse culture jeu de rôle dedans, quoi. Il y a tous les clichés d'une partie heroic fantasy. Il y a aussi de mémoire, je crois, L'Ampfeuse de Troie. Oh là, il y a certains, si je cite pas, ils vont me tuer. L'Ampfeuse de Troie, donc d'Arleston, Tarquin et Maurier. Joe Bartim aussi, je crois, avait été adapté en jeu de rôle. Une petite production. Jérémia, la BD aussi. Mais en fait, non. C'est adapté de la série télé, mais ils ont pris aussi de l'inspiration dans la bande dessinée de la série télé américaine. Donc je trouve que c'est assez fort quand tu arrives à À concilier influencer. les deux. Voilà, concilier, il y avait. Enfin bon, il y en a plein, je crois. Ouais. ElfQuest aussi, il me semble. Ah non, ElfQuest, c'est américain. Non? Ah, c'est Mais américain. après, Ah, pardon. t'as totalement raison. Alors, on peut vite fait parler d'ElfQuest parce que j'avais oublié. Et puis, j'avais rencontré le couple Pini qui a créé ElfQuest, où en fait, c'est le Oui. premier comics indépendant moderne qui est sorti. Et ils avaient fait de l'auto-édition. Et en fait, il avait tiré ça, je crois, sur des dizaines de milliers d'exemplaires pour le numéro 1. Il savait pas du tout si ça allait se vendre. Il s'est dit, j'ai quand même fait une connerie. Et en fait, ça a été un énorme succès parce qu'il y a eu que ça en fait qui a existé. Il y avait rien sur le marché qui était comme ça, et le jeu de rôle, enfin le comics a éclaté, et puis le jeu de rôle est arrivé. Je crois même qu'on parle d'une adaptation de série télé depuis un petit moment, mais voilà. ElfQuest, je voulais le citer avant dans les comics, mais j'avais zappé, mais c'était quand même quelque chose de très très très bon et d'extraordinaire. C'est vrai que ça fait un gros buzz de ça. Oui, C'est vrai c'était que à c'est. ton époque. Ouais, non, c'est pour ça que il me semblait. Je ne me souvenais plus que c'était américain, je crois. Enfin bon, t'as Valérian aussi. Valérian qui est ressorti il n'y a pas très longtemps en crowdfunding et qui est. Bah d'ailleurs, qui n'est pas nouveau, hein, parce que je crois que Méga 3 de mémoire, c'était Valérian en fait, mais qui a eu une histoire de droit, je crois, et ils n'ont pas pu utiliser le nom Valérian. Alors, s'il y a des fans qui sont sur le canal Discord qui me corrigent, t'as l'agence Barbare aussi, oh là là, de Marco et Ollier. Mais ça, c'est il y a 5 ans, quoi. Donc, il y a énormément de trucs qui sortent, en fait. Même Astérix, ils avaient fait un jeu de rôle, Astérix. Donc, il y a de plus en plus, en fait. Et Black Sad, oh là là, j'ai oublié Black Sad. Ouais, aussi. Oh là là, la brigade chimérique aussi, les gens des contrées oubliées, oh là là, mais il y en a plein qui me viennent à la tête. Enfin, il y a énormément, quoi. T'es Mais payé à d'un chaque fois autre. que tu cites un titre ou... Non, mais d'un autre côté, c'est normal, puisque les mecs, Ils ils sont font au de festival. l'illustration, déjà. Non, mais ils sont pas possibles. Mais ils font de l'illustration, déjà, pour l'univers. Quelque part, le domaine, beaucoup, d'ailleurs, d'illustrateurs ont fait du jeu de rôle, ont pratiqué du jeu de rôle. Il y a même Captain Voodoo d'ailleurs récemment là qui est sorti aussi en Kickstarter si je me plante pas qui a fait un bon d'ailleurs ils ont bien marché quoi. Ou je pensais à Guillaume Tavernier aussi avec des architecturas, je sais pas si vous connaissez, juste magnifique son travail. Il vend des Il a fait, je crois, la Seigneurie de Bohort. C'est des univers où, en gros, tu as déjà des plans, des cartes avec des PNJ que tu peux utiliser comme support, en fait, pour des parties de jeu de rôle. Mais c'est juste magnifique ce qu'il fait. Et ce gars-là, il faisait de la BD avant, quoi. Parfois, la frontière, ou Casa aussi. Casa, sur Tulu Hack, je crois, il avait bossé dessus à faire des illustrations. Enfin, la BD, il y a tellement de choses, quoi. Et puis, les petits clins d'œil dans Donjon, les reflets d'acide, je pense, ou Nullbug. T'as même eu le jeu de rôle Donjon Nullbug qui est sorti. Oui. Et prochainement, pour les fans de web série, je crois qu'il va y avoir également le jeu de rôle Noob Ah oui. qui est en préparation. Oula. Et N'y avait pas un financement participatif pour Noob d'ailleurs? si, si, si. Cet été? Ouais. Et également, je viens d'attraper. Alors, c'est un jeu de rôle, puis après, ça a été adapté en jeu de cartes, et puis pour finalement arriver en bande dessinée, c'est le jeu Arg qui a été adapté en BD avec le premier tome de la trilogie du cycle de l'Éternel, Yule. Alors, Arg, c'est un vieux jeu de rôle qui était sorti chez Atomic Mix en juillet 2003. Ah, que ça me dit quelque chose, ça aussi. Ça, bon, enfin, je trouve qu'il y a de plus en plus de production d'adaptation, quoi, en fait. C'est ça, assez hallucinant. Je sais pas si vous en connaissez d'autres ou si vous avez Bah, il y qui. a Aventure, qu'on va pas nommer parce que ça a été spécial comme histoire. Ah, je connais pas ça. Moi non plus, Ah, vas-y, c'est raconte. le. Ah, bah, vous Ah. connaissez pas la saga Aventure, mon Dieu. Non. Aventure, bah, vous connaissez le joueur du grenier. Oui. Ouais. Voilà. Bah, il travaillait, enfin, il faisait du jeu de rôle avec, du coup, comment est-ce que s'appelle le jeu de rôle? C'est Maillard, voilà, un maître de jeu. D'accord. Et ils ont fait des campagnes, voilà, c'est porté par le joueur du grenier Bob Lennon, forcément, ça a une notoriété. Et du coup, bah, ils ont voulu faire un jeu de rôle qui a été financé sur Ulule, c'était ça, il me semble. Ouais. Et les éditions Sans Détour et tout ça, donc ils se sont dit, bah voilà, on fait un jeu et tout. Et en Ah oui. fait, l'argent a disparu. Pardon, excuse-moi, j'ai pas entendu le dernier mot. La quoi? L'argent a disparu. Ah mais Voilà. sans détour, ils se sont cassés la gueule, non? C'est ça, le jeu de rôle a été financé à 1500% par 7000 personnes, plus de 7000 personnes. Et en fait, l'argent a disparu. Voilà. Ok. Donc, bah, du coup, ça fait 2 ans maintenant qu'ils ont dit, bon, bah écoutez, ça va pas être possible. Enfin, après longue attente de la maison d'édition qui répondait plus, qui disait, ah, on en parle plus tard. Et bah, en fait, ils se sont pété la gueule, ils ont pris les sous, et voilà. Alors, je crois qu'ils sont même poursuivis Ouais, par la bah, justice. bah ils ont, enfin techniquement c'est du détournement de fonds, hein. Voilà, c'est l'argent de Ulule a été versé, et mais les livres, les jeux n'ont jamais été livrés, donc voilà, c'était abus de confiance, utilisation de personnalité pour se faire de l'argent, et puis au final il n'y a jamais rien eu derrière. Ok. Ouais, donc c'était un peu, enfin, c'est un des gros projets de jeu de rôle qui était une énorme machine, peut-être un peu trop grande par rapport à ce qu'ils attendaient à faire et qui s'est pété la gueule, mais dans les flammes, quoi. Enfin, grosse déception pour tout le monde, y compris pour du coup les 7612 personnes qui voulaient avoir le jeu. Et voilà. Tu en C'est faisais pour ça que, partie? ouais. Pardon? Tu en faisais partie des 7612 pour connaître ce chiffre exact? Non, je suis sur la page Ulule parce que j'ai toujours un lien rapide Ah, vers Ulule. d'accord. Je regarderai enfin, régulièrement ce qu'ils font et puis je fais des campagnes financement aussi dessus. Mais ouais, non, c'est une histoire en fait que je suivais le début de la campagne d'aventure. Je trouvais ça assez marrant. Et puis au final, enfin, quand il y a des compteurs qui sont assez drôles, écouter du jeu de rôle, je trouve ça très agréable. Et quand j'ai vu que ça partait en Kickstarter et tout ça, je me suis dit, bah, tiens, je vais regarder ça du coin de l'œil. Bon, pas les sous à ce moment-là, donc forcément, je n'ai pas participé. Mais voir que ça s'est cassé la gueule, je me dis, bon, c'est peut-être bien fait d'économiser. Mais oui, c'est un peu ça qui me chagrine vis-à-vis des financements participatifs, c'est qu'au final, il y a beaucoup de frais cachés, de choses qu'on ne prend pas en compte, et de gens qui se mettent dans des pièges pas possibles, y compris même des grosses structures, du coup, comme notamment bah, du coup, leur éditeur, et ils se plantent assez royalement, et au final, tout le monde est déçu. Mais voilà, c'est un peu. C'est, on va dire, la phase pas cool du financement participatif, le crash de Sans Détour. Ouais, ça fait beaucoup de mal, ouais, j'en ai entendu parler. Ils ont pas, il n'y a pas eu des droits qui ont été rachetés, je sais pas, par d'autres éditeurs, ou tout est bloqué, ou je sais pas, tu as peut-être une info en ayant lu justement, parce que je pense que les forums ont dû être assez actifs, enfin tout du moins la communauté pour gueuler. Il n'y a pas Parce eu que ouais, j'ai pas vu grand-chose bouger récemment. Je sais même pas si les gens étaient remboursés, en fait. Je sais pas du tout. Bah, je pense pas. Ça, enfin ouais, c'est vrai que Maillard, bon bah c'est un peu la grosse déception de voir son bébé qui part en flammes. Donc il communique pas trop dessus. Et les dernières fois que j'ai pu voir, c'était vraiment ça bouge toujours pas quoi. Ben c'est bien triste. Bon bah c'est un peu le problème de l'édition en ce moment, on va dire, mais bon, voilà. Je voulais pas miner la soirée en tout cas avec ça, Non, mais non, voilà, non, non, non, non, non, je... c'est une réalité de ce métier aussi qu'il faut connaître. Et voilà. Les financements participatifs, ça coûte beaucoup de frais et il faut savoir tout ce qui se passe dedans. Il y a beaucoup, ouais. C'est ouais. C'est des gros projets, hein. Ils sont complètement autonomes. Si t'es pas encadré, si t'es pas bien conseillé. C'est aussi ça. Enfin, beaucoup de gens se lancent et au final, ben, il n'y a pas vraiment de guide sur comment faire un financement participatif et le gérer et comprendre tous les frais et pas se cramer en plein milieu, en fait, parce que c'est le cas de beaucoup de gens au final. C'est un peu le risque. Et puis en plus de ça, c'était pas n'importe qui, je crois. C'est eux qui avaient quand même la licence Cthulhu, non? Oui. Ouais, ouais, ouais. Ça, ou Paranoia, je crois, des trucs comme ça. Donc c'était, enfin non, Paranoia, ça vend pas autant, mais je veux dire que Toulouse, c'était quand même, puis c'était pas des Ah produits merde oui. qu'ils avaient Ouais, sortis. oui. Ouais, mais c'est un peu le souci en fait de montrer qu'on veut et qu'on veut faire des projets et au final ça marche pas. Enfin, au final, c'est pas une boîte qui marchait si bien que ça ou qui savait peut-être pas trop bien se placer, on va dire. Enfin, c'est un peu le cas dans Kama aussi, hein, qui fonctionne que grâce à Wakfu. Les livres, c'est pas rentré tant d'argent dedans. Enfin bon, ils vont râler s'ils m'entendent, mais bon, voilà. Alors, vite fait pour parler d'un futur projet participatif qui devrait arriver, en espérant qu'il n'y ait pas d'arnaque. Je pense pas, c'est tenu encore une fois par un ami. C'est Tempête Céleste. Ils ont décidé de créer tout un multivers et ils vont sortir BD et jeu de rôle quasiment en même temps. Et voilà. Alors, le pitch, c'est quand un détective du futur se retrouve plongé dans une époque médiévale fantastique, on obtient la bande dessinée Tempête Céleste. Alors, c'est tout récent, il n'y a pas vraiment beaucoup d'informations. La page Instagram a été créée en octobre dernier et il publie assez régulièrement pour montrer les personnages. Donc voilà. Je pense que ça devrait être assez sympathique. Je crois que le système est déjà monté et ils essayent de faire des lives Twitch via Roll20 pour jouer et montrer ce que ça donne. D'accord. Tempête céleste, ouais, je viens de voir. Bah, Ok. beau projet, hein. C'est la sortie, enfin, il est prévu quand? Aucune idée. C'est vraiment, encore une fois, très récent. J'ai pas envie de dire de bêtises et j'ai pas d'idée de sortie. D'accord. Ok. On va voir du coup. C'est On adapté gardera de ça quoi, comme tu t'as dit, excuse-moi. Ah, c'est un univers original, ça. Oh, le coup de Bon, bah, autre pub. transition pour les coups de pub, je vais vous parler de ma BD, Vas-y. du coup. Bon, bah, moi, j'ai préparé des images. Du coup, je vais essayer de faire un partage d'écran en attendant que la machine chauffe. Alors, hop, enfin, ouais, parce que je voulais faire un petit pitch quand même pour parler de Freak Squeal, parce que je ne suis pas. Alors, oui, il va y avoir du Freak Squeal en plus pendant, hop, cette conférence. Alors, du coup, ma Attends, je BD. remonterai. Ah oui, on va essayer de mettre ça. J'espère que vous le verrez correctement. Alors, donc, Freak Squeal, c'est un jeu de rôle qui a été adapté de la BD de Florent Modou, qui est du même nom, du coup, Freak Squeal. Et c'est l'histoire d'université de super-héros. Donc, en gros, en fait, ben, c'est l'histoire d'un trio de jeunes héros qui arrivent dans une université et qui vont devoir apprendre à maîtriser leur pouvoir. Ils ont des cours de présentation, histoire de l'héroïsme, créer un costume de super-héros, mise en situation avec enfin, des monstres qui lâchent dans l'école. Donc, c'est assez fun, assez déjanté. Et du coup, j'avais écrit une campagne sur le sujet Alors, je ne sais pas si vous voyez les images. Je Pas vois ton meilleur. image Je vois. de... Attends, je vais vraiment cliquer dessus. Voilà. Ouais, c'est bon, je vois Yes, parfait. l'image. Ok. Voilà, donc c'est un univers assez déjanté, urban fantasy. En gros, c'est vraiment, enfin, créer votre personnage, vous êtes assez libre. Et du coup, j'avais écrit une campagne dessus qui était censée amener les joueurs de première année jusqu'à fin de licence. Et pour ça, en fait, il me fallait des PNJ, il fallait que j'alimente un petit peu autour. Et du coup, j'avais créé une classe, en fait, autour de ces personnages, histoire d'avoir un peu, bah, comme l'esprit My Hero Academia, une sorte de groupe d'élèves qui va évoluer avec eux. Et c'est là que m'est venue du coup l'idée. Alors, je vais vous montrer aussi un truc qui est génial, c'est l'attestation psychosociale. C'est comme ça qu'on crée les personnages dans ce jeu. Et en fait, il y a trois choses qui sont importantes. C'est d'où vient le héros, dans quel milieu il a grandi, alors comment est-ce qu'il a découvert son pouvoir. Et en fait, c'est à partir de ça qu'on va créer son personnage. Donc, le milieu d'où on vient, bah, imaginons Batman, bah, il vient d'un milieu très, enfin, très bourgeois, on va dire. Donc, voilà, enfin, famille très riche. Le milieu dans lequel il a grandi, bah, du coup, la classe favorisée, voilà, les soirées, enfin, grand dîner, enfin, tout ça. Et comment il a découvert son pouvoir, bah, en fait, la mort de ses parents. Voilà, il n'a pas découvert son pouvoir, c'est plutôt le destin qui s'est imposé à lui. Et à partir de ça, en fait, de ces trois paramètres, on va choisir celui qui est le plus important. Donc pour Batman, on pourrait dire que le plus important, c'est la manière dont il a découvert son pouvoir ou celui dans lequel ou le milieu dans lequel il a grandi. Bon, moi, j'ai choisi le milieu dans lequel il a grandi parce que, en fait, ben, sur le pouvoir de Batman, c'est l'argent. Et la partie qui sert de part sombre. Et du coup, la part sombre pour Batman, ben, du coup, la découverte de ses pouvoirs, c'est la mort de ses parents. Donc c'est avec ces paramètres-là qu'on crée son personnage et c'est assez cool pour le RP en fait. Enfin, c'est vraiment orienté comme la BD, ils ont vraiment ce côté très littéraire de création de personnages. Et c'est ainsi que j'avais créé donc trois personnages. Grimm qui est le fils de la mort, PJ qui est un mec à tête de citrouille et Malissa, qui s'appelait à l'époque Malissa, qui est une sorcière, que vous voyez en dessin ici. Donc pourquoi trois? C'est parce que dans le système de Freak Squill, en gros, les élèves sont regroupés par trio. Et en gros, en fait, c'est comme ça qu'ils font leurs travaux de recherche et d'études. Chaque devoir, chaque étape scolaire, chaque examen, ils les passent par trois. Du coup, il y a ce trio qui était né. Et en fait, à force de leur créer une histoire, des backstories et de chaque fois les jouer, en fait, je me suis mis à les dessiner au fur et à mesure. Et en fait, ça a fini par créer une histoire. Voilà, je vous montre plusieurs images, donc notamment des stories que j'avais fait avec ces personnages qui étaient très intéressants. Et au final, ça a donné une BD. Donc, Freak Squill, c'est l'histoire de, bah, du coup, Grimm, qui est le squelette qu'on peut voir, le squelette badass là-bas, qui est le futur dieu de la mort. PJ, qui est un homme citrouille avec un cœur d'artichaut, qui a tendance à sortir, enfin, tomber amoureux aussi vite qu'on tombe d'une chaise et puis à se prendre des râteaux assez régulièrement. Et Malissa, une sorcière qui, elle aussi, est, bah, du coup, une débutante dans ses pouvoirs, c'est-à-dire qu'elle apprend à être sorcière, mais elle n'est pas forcément très douée. Parfois, il y a des coups de magie qui partent un peu dans tous les sens. Hop, et c'est ainsi qu'ils sont nés. Le docteur Jekyll qui dit, mais je connais ça. Mais oui, tu les as peut-être même déjà vus. Et en fait, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce process de partir d'un jeu de rôle pour aller vers une BD, c'est qu'au final, la remarque qu'on fait le plus souvent, c'est que ces personnages sont très équilibrés, en fait. Et c'est parce qu'ils ont été définis hyper tôt, et c'est pour ça que j'incite beaucoup de personnes, enfin de jeunes auteurs de BD à se mettre au jeu de rôle. C'est qu'en fait, on apprend à créer un personnage en l'incarnant, et du coup, on connaît ses intentions. Et l'intention d'un personnage, en fait, c'est ça qui fait tenir la narration. Du coup, en les jouant assez régulièrement et en travaillant en fait sur des scénarios, bon pas forcément ce qui va finir dans la BD, mais en les mettant dans ces situations, ça permet en fait de vraiment se mettre dans la psyché du personnage et de faire des personnages solides. Parce qu'on a tendance en fait à faire des personnages qui sont parfois, bah du coup ce mec-là, oui, il va à l'école, on sait pas trop ce qu'il fait, mais on a quand même envie de s'investir un peu plus. Là, on a des règles de création de personnages qui permettent de pas être totalement largué. Voilà, le fait d'avoir ces trois paramètres pour créer le personnage, c'est hyper important et hyper intéressant, ça permet de vraiment d'étoffer son personnage. Et voilà. Donc c'était vraiment ça que je voulais montrer en fait. Enfin, j'avais fait une autre masterclass pour une autre occasion sur ce sujet. C'est d'utiliser vraiment les règles. Et il y a plein de systèmes différents là-dessus qui sont très intéressants et qui peuvent s'adapter du coup à tous les types de BD. C'est de pouvoir se dire, ben voilà, je mets les capacités de mon personnage et je sais que ben, du coup, il a 5 points d'agilité, par exemple, ben, on va dire du coup, il est super agile. Mais en même temps, c'est dans la narration, on pourra le transmettre différemment, mais on a toujours cette information qui est en tête et qui reste stable. Hop. Voilà, respecter sa fiche de perso dans la BD LJDR, comme dit Dr. Jekyll, en fait, ça permet de créer un personnage qui reste solide. Et bah, du coup, Geoffrey, il parlait de profil psychologique. C'est vrai que les rôlistes ont tendance à créer des personnages très, très fouillés et très étoffés. Ça qui est génial. Et en fait, ça permet vraiment de construire une narration de bout en bout. Et on ne se pose pas une question en disant, voilà, sur ce choix moral, qu'est-ce qui se dirait en fait mon personnage? Là, on est vraiment, en fait, on est sûr de ce qu'il va faire parce qu'on a déjà réfléchi à tout ça. Et voilà mon expérience pour la BD, enfin, un jeu de rôle qui devient de la BD. Et du coup, là, j'en suis à mon deuxième volume sur une série de 7 et un spin-off qui est sorti via financement participatif cet été. Okay. Et du coup, je me pose une question, enfin, je te pose une question en même temps, hein, par la même. Il y a un concept, enfin, un concept qui est arrivé ici il y a peut-être 3 ans, je crois, je sais plus. Tu sais, des BD dont on est le héros, comme des auteurs comme Tom Skarn, je sais plus, il y a Manuro, enfin bon, Damien Guay, Guillaume, J'aime entre des autres. copains qui en font. Voilà, il y en a de plus en plus. Pourquoi t'es pas parti là-dessus du coup? Là, tu t'es inspiré d'un jeu de rôle pour faire de la BD, mais pourquoi t'as pas pris est-ce que tu y as pensé déjà? Et enfin, pourquoi t'as pas pris cette direction? Excuse-moi, hein, Non, c'est mais par t'inquiète, il n'y a pas de souci. curiosité. Voilà. Bah en fait, je connaissais la BD avant le jeu de rôle et j'ai toujours voulu faire de la BD. Donc c'est pour ça que là, le format s'est imposé à moi. En général, quand je fais des aventures dont vous êtes le héros, je pars plutôt sur le visual novel qui me paraît plus adapté et plus interactif. Bon, après, c'est du jeu vidéo, mais avec maintenant le fait qu'on ait téléphone portable et tout ça, je trouve que le passage est plus facile. J'ai jamais été très habituée des livres dont vous êtes le héros. C'est pour ça. C'est un peu. Enfin, je trouvais plus évident de passer à la BD. Ok, d'accord. Et du coup, là, par rapport au jeu de rôle, tu vas continuer la série. Donc, est-ce qu'il y aura une interaction plus tard? Est-ce que c'est prévu, genre que pourquoi pas tes albums en fait puissent servir de scénar au jeu de rôle? Alors, oui. En Évolution fait, de. j'aimerais bien faire quelque chose de transmédia. C'est pour ça qu'avec une Voilà. amie, là, on va essayer de faire bah, du coup un jeu vidéo qui sera plus type visual novel. Donc, c'est un peu comme le JDR en texte, mais avec des images. On va travailler là-dessus à partir de 2021. Et il y a aussi bah, du coup deux jeux de rôle dans le premier spin-off qui se voulait comme une sorte d'album de l'été, puisqu'on ne pouvait pas partir en vacances cet été. Il y a du jeu de rôle à la fin. C'est pour ça, je voulais rajouter cet univers-là et c'est un jeu de rôle d'initiation, donc c'est un mini scénar pour vraiment, avec ses enfants sur la plage, on a des D6 et on tente une partie. Mais je voulais que les univers soient ensemble, donc je pense continuer à développer là-dessus. Je sais pas si je vais écrire des campagnes entières, mais en tout cas, la dimension de interagir avec les personnages et pouvoir devenir son propre héros, elle est quand même assez présente. Ok. Parce que t'es joueuse, hein, si j'ai bien compris. T'as fait, enfin, tu joues régulièrement. Joueuse et Game Master. Et Game Master. Voilà. Non, moi, je dis maître de jeu, mais bon, maître de jeu a toujours raison. Game Master. Voilà. Ah, ça y est, la nouvelle génération, ils utilisent l'anglais. On a perdu, on n'a pas réussi à Ah ouais, je suis comprendre. navrée. Non, ça, c'est pas forcément à cause de jeux vidéo, tout ça. Enfin, je viens d'une école de beaux-arts où on nous a appris à parler anglais, à mettre tous les titres en anglais parce que c'est plus sexy. Donc voilà, c'est un peu à cause de ça. Voilà. Ouais, il faudra blâmer mes profs. Mais oui, enfin, je suis maître du jeu, je me jette de temps en temps. Et voilà, enfin, c'est plus des scénarios d'initiation ou, bah, comme je l'avais dit, pour les enfants, dans des cadres un peu, enfin, pas serious game, mais voilà, c'est presque. Essayer d'adapter ça à des cadres de musée, culture, ou enfants et handicap. Du coup, c'est voilà, c'est un peu particulier. Ah, tu fais du jeu de rôle en plus avec ton travail. Oui, ça m'est arrivé D'accord. d'intégrer ça. J'ai travaillé pendant 3 ans dans l'éducation. Du coup, j'avais très envie de rajouter cette partie-là. Bon, je n'étais pas prof, j'étais plus intervenante, artiste intervenante. Et en fait, c'est une bonne manière de briser la glace avec les enfants, en fait, de dire, ben, première partie, on se connaît pas, enfin, première journée où on ne se connaît pas, on fait un jeu de rôle. Comme ça, on apprend à se connaître et puis ça permet de jauger un peu comment réagissent les enfants. C'est ça qui est assez génial. C'est de voir s'il y en a qui sont un peu rebelles ou un peu qui foncent dans le tas, on les repère direct quand on sait, enfin, quand on se voit qu'ils prennent le gros barbare et qu'au lieu de négocier, mais ils vont taper dans le tas. Donc ça, c'est génial pour détecter les caractères de nos groupes. Ouais, c'est quand même assez d'accord. Et j'ai encore une autre question, hein, excuse-moi, mais bon, Oh, t'es vas-y. carrément sur les deux univers et tout. C'est est-ce que toi, t'aurais envie de créer ton propre jeu de rôle avec ton univers graphique, toujours et tout, etc. Toi, est-ce que tu as envie, toi, de raconter, pas sous forme de BD, mais justement sous forme de jeu de rôle par rapport à tout ça, créer ton propre univers ou c'est quelque chose que tu envisages ou je ne sais pas ou... Ben, j'aimerais beaucoup, mais après, moi, je suis un peu allergique au système. Et voilà, du coup, j'ai tendance à privilégier écrire une belle histoire qui satisfait tout le monde, à respecter du coup des statistiques et des dés. Donc, je pense que si je mettais, enfin, si je me mettais sur un jeu de rôle, ce serait en collaboration avec quelqu'un qui fait du système. Enfin, c'est pour ça la Freak Squill, c'est Florent Modou et Stéphane Gallet. Et je suis désolée pour la troisième personne, je me rappelle jamais de son nom. Mais voilà, ils sont en tandem et il y en a un du coup qui est sur narration et visuel et l'autre qui est sur système et faire en sorte que ça marche bien. Et je me dis en fait c'est ça qu'il faudrait, enfin que je trouve un tandem en fait. Parce qu'un univers, il n'y a pas de souci, raconter l'histoire, c'est pas le problème. Mais voilà, je ne créer un système pour l'instant, c'est pas, je ne sais pas faire et je ne sais pas si j'ai envie de passer un milliard d'années à comparer tous les systèmes pour savoir quel est le meilleur. C'est pas trop ma came. Du coup voilà, D'accord. créer un jeu de rôle, pas de souci, mais en tandem avec quelqu'un. Et illustrer des jeux de rôle, ça je l'ai déjà fait et je le referai avec plaisir. T'as quelques références que tu pourrais donner là justement pour vu que t'es illustratrice aussi, sur quel jeu de rôle t'as déjà travaillé? Enfin... Alors sur Duel 5R, justement. Ah oui, Voilà. d'accord, ok. C'était des recueils de campagne qu'on m'a proposé de faire des illustrations pour, donc c'était assez fun. Je peux peut-être en trouver une. Ah Ah si ouais, vas-y, j'ai. envoie là. Parce que. Alors, il faut que je bois. Il faut que je sorte le diplôme. Parce que j'avais eu la chance de travailler avec une personne qui m'avait dit, ouais, pas de souci, alors je fais mon recueil de scénarios. Il me faut bah, du coup des dessins de personnages. Et il y avait une illustration que j'avais adoré de faire sur un Mujina, qui est un démon japonais. Et en fait, c'est un démon farceur. Et du coup, j'avais fait une scène où il est en train de barbouiller tout un dojo. Et il y avait un samouraï et une geisha qui étaient peinturlurés et qui étaient vraiment pas très contents. Hop, il faut juste que je retrouve ça. Mais oui, L5R, c'était enfin, je suis une enfant des années 90, donc forcément j'aimais beaucoup le Japon. Et j'étais un peu une grosse weeb aussi. Donc voilà, ça m'a permis de m'amuser sur ce genre d'univers. Alors, ah, bah, du coup, j'en ai une qui est ici. Alors, est-ce qu'elle est visible? Je ne suis pas sûre. Hop. Ouais, je vais la partager. Ouf. Oh, tu Mais. nous as Ah, viré, voilà. c'est Alors, dommage. Et voilà. je pense que je vais en fait, je ne pourrais pas la partager. Du coup, je vais partager un autre écran. Voilà. Alors, il y a celle-là que j'avais pu faire pour du coup Duel 5R. Alors, je ne sais plus si c'est la version tout à fait finale. Mais voilà, celle-là avait été très cool. Donc là, ça, c'était en fait, c'était l'histoire de deux frères qui étaient samouraïs et qui devaient, ben, du coup, enfin, un devait hériter du dojo, l'autre pas. Et à un moment, ils s'étaient mis à se taper dessus parce qu'ils n'étaient pas très contents que ce soit l'autre qui l'ait. Donc, ça avait été une chouette expérience. Et l'autre, je ne suis même pas sûre que je puisse la retrouver. Je suis une très, très mauvaise artiste. Je ne garde même pas mes travaux. Oh là là. Voilà. Non, c'est... En fait, c'est aussi le fait d'être confinée. Là, je n'ai pas tout ramené avec moi, malheureusement. Tu as de la chance, la nuit tombe, tu peux te cacher. Voilà, exactement. Je vais me cacher aussi. Et sinon, j'ai aussi pu travailler sur alors, la Compagnie du Corbeau, qui est un petit jeu de rôle plus amateur et qui m'avait demandé un logo. Et du coup, là, je peux vous montrer le logo que j'avais fait pour eux. C'était une sorte de enfin, steampunk et en même temps, ça, enfin, mélange d'univers où il y avait une sorte de royauté en crise et on devait servir Sa Majesté et tout ça. Donc, c'était un projet intéressant. À voir maintenant comment ils avancent dessus, parce qu'ils sont dans le long chemin de l'auto-édition qui prend beaucoup de temps. Et voilà, parcours pas forcément évident. J'ai frais, Oui. je vais abuser. Est-ce que je peux poser encore une dernière question? Vas-y. Ok. Je voulais savoir comment ça se passe la collaboration? Comment tu bosses avec l'éditeur, les échanges, vous faites des réunions physiques, c'est beaucoup par Internet, tu leur envoies les travaux, ils valident, ils te donnent ils te laissent totale liberté ou un angle, des inspirations, enfin. Alors, en fait, c'est souvent quand je travaille avec un éditeur, bah, du coup, je vais partager un autre truc. Hop, je ne fais que partager les choses, c'est bien. Il y a Kétrard En fait, en général, un éditeur qui... Pardon? qui doit être content sur Twitch si tu partages des visuels. Voilà, du coup, normalement, je vous ai partagé des nouveaux docs. Donc, si vous voyez tête de tigre, c'est que c'est bon, vous avez chargé le bon truc. Tout à fait, ça m'a permis de me faire un café. Merci beaucoup. Voilà, super. Alors, en gros, la collaboration, ça part souvent d'un pitch avec un projet. Donc, l'éditeur vient nous dire, ben voilà, j'ai besoin de telle chose. Là, par exemple, c'était pour un projet de manga qui était avec les éditions 9e élément. Et en gros, on m'a donné un pitch avec ben, trois personnages. Donc, il y a cette fille avec les ailes, le tigre et si j'y arrive, du coup, un mage. Voilà. Et on m'avait dit, en fait, ben, il faut voir avec ton style, est-ce que tu arrives à représenter ces personnages? Comment est-ce qu'ils rendent? Comment est-ce que tu les sens? Et est-ce que tu arriverais à travailler sur un projet, ben, du coup, un manga, cinq illustrations, un livre entier, c'est un peu en fonction de ce qu'on peut faire avec le temps qu'on a. Et souvent, en fait, je fais deux, trois tests en disant, voilà ce que je fais. Je donne un book qui est mon book général, donc ce qu'on peut retrouver sur mes réseaux sociaux. Un book qui est plus personnalisé en disant, voilà ce que j'ai pu tester avec vos personnages, est-ce que ça vous tente? Et en général, on part de là pour dire, ben voilà, est-ce que les sensibilités fonctionnent ensemble ou est-ce qu'on enfin, ou est-ce qu'on s'arrête là parce qu'on voit que ça ne marche pas. Donc souvent, ça se passe comme ça. Bon, là, pour ce manga, malheureusement, je n'ai pas pressenti parce qu'on m'a dit que ça ne correspondait pas aux attentes du mangaka, même si c'était cool. Et du coup, cet éditeur m'a recontacté pour un autre projet. Mais voilà, c'est souvent en fait comme ça. Soit c'est le scénariste qui vient me voir directement en me disant, ben, j'ai cette histoire, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça te dit de participer? Soit c'est bah, du coup une édition qui dit voilà le pitch, donnez-nous vos des travaux qui sont adaptés et puis on voit avec qui on veut travailler. D'accord, donc un peu pareil pour le jeu de rôle, quoi, on va dire, quoi. Voilà, c'est Ah, ça. Bah, ok. pareil pour le jeu de rôle, on m'avait dit il nous faut enfin plusieurs illustrations, il nous faut des A4, des A3, des pleines pages, des cartes ou des petits encarts. Voilà ce qu'on veut dessus. En général, je fais un premier croquis pour dire, bah voilà, bah, comme le croquis du tigre, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous en êtes content? Et si ça convainc, bah, du coup, on passe à la suite, on fait les versions finales. Et voilà, donc Et c'est vraiment un tâtonnement au fur et à mesure, quoi. il t'envoie le background. Est-ce que toi, quand tu bosses sur un jeu de rôle, est-ce que tu as le background, toute l'histoire ou Alors pour la nouvelle avec le petit monsieur japonais près du lac, on m'avait dit en fait, il y a une bah, du coup il y a une nouvelle intégrée dans le jeu de rôle et c'est toi qui l'illustres. Donc j'avais vraiment eu contrôle sur cette partie du projet en disant bah voilà, je veux faire telle illustration de tel passage et on m'avait donné un format mais j'avais un peu carte blanche dessus. Oh, Donc c'est bien. ça c'est la partie cool. Ça c'est quand on nous donne une liberté créative totale dessus, c'est très très chouette. Après, parfois, c'était, enfin, j'ai dû faire aussi des encarts avec des bottes de paille. C'était un poil plus chiant. Et voilà, je m'adapte en fonction de ce qu'on me demande. Mais c'est vrai il y a des choses qui m'amusent un peu plus que d'autres. Après, bon, en général, quand on m'embauche sur un projet, il faut prendre les parties avec les bottes de paille et les parties avec des personnages très cool. Donc voilà, je m'accommode des deux. C'est marrant, tu as deux styles là. Il y a... Enfin, quand on voit ça et le travail sur ta BD, tu arrives à t'ancrer sur des styles graphiques différents. Oui, en fait, Dans la bah, conception. faut savoir que les travaux là pour le manga datent d'il y a un petit moment. Maintenant, je m'approche plus de la BD. Alors, c'est un fan art de Tortue Ninja, je suis folle des Tortue Ninja en ce moment. Et voilà, je navigue entre comics et manga. En fait, c'est deux influences qui sont très fortes dans mon style. Et là, en fait, pour certains projets où je veux que ce soit plus réaliste, je tends vers le réalisme. Et quand on m'a demandé un manga, je me suis dit, bah, en fait, bah, je vais faire du manga, il n'y a pas de souci. J'aime bien être plastique en fait dans ce que j'expérimente. Et du coup, tester quelque chose qui est un peu plus manga de temps en temps, ça me fait extrêmement plaisir. C'est pour ça que parfois je fais des émotes Twitch pour des gens et ça me fait extrêmement plaisir de faire des trucs kawaii avec des grands yeux. Hop. Comme ces magnifiques émotes pour Casual Creature qui est une Twitcheuse et une amie. Donc voilà, c'est très drôle de pouvoir revenir à des choses comme ça. C'est un peu. Enfin, je passe dans l'un à l'autre, on va dire. D'accord. J'arrête avec toutes mes questions, Geoffrey. Oh, mais y a aucun problème. Alors, vite Vas-y. fait, pour terminer cette conférence, parce qu'on arrive déjà sur la fin, je voulais parler d'un autre cas de quelqu'un qui s'est inspiré de sa campagne de jeu de rôle pour en sortir un light novel. Alors, le light novel, c'était un roman japonais, on va dire, où il y a pas mal d'illustrations à l'intérieur. Donc on quitte également un peu le 9e art, mais bon, l'exemple est à peu près pareil que le tien, hein, Medledev, et c'est pour ça que je me suis dit que ça pourrait être sympa d'en parler. Donc c'est Sylvain Ferrieux qui avait fait une campagne sur Trône de Fer en tant que joueur, et à la fin de chaque partie, il écrivait des histoires sur ce qui s'était passé. Et à la fin, il y a les joueurs qui ont dit, mais pourquoi tu n'écrirais pas un roman? Et vu qu'il y avait un des joueurs qui venait d'ouvrir une maison d'édition qui s'appelle Mao Édition, il a pu travailler avec Mao et sortir son premier roman qui s'appelle Les Enfants de Gore. Il y a 300 pages, il me semble, de romans dessus, et ça coûte 20 euros. Et l'illustrateur, c'est Navigavi. C'est une illustratrice japonaise, enfin sud-coréenne, qui habite au Japon, et voilà. Donc je pense que c'est un autre exemple, quoi, de la personne qui fait du jeu de rôle et qui arrive à sortir du contenu finalement pour en sortir du roman. Bon, c'est vrai que c'est hyper inspirant en même temps, le jeu de rôle, c'est enfin les univers et les personnages sont tellement travaillés qu'au final les histoires s'écrivent d'elles-mêmes. C'est vrai que ça change du format de la campagne, mais ça reste en fait de l'écriture. Tout à fait. Non. Et l'improvisation aussi, hein, pas mal. Hein, parce que suivant le groupe que Oui. tu as. Mais quand on a une bonne improvisation, on a envie qu'elle reste. Du coup, on dit, ah bah je sais bien, je vais écrire un texte là-dessus. Non, c'est vrai que parfois tu fais des parties et tu te dis, mais ça mériterait un bouquin. Ou une série, ou je sais pas, quoi. Il y a tellement de choses. Enfin, ça dépend après, quoi. Bien sûr, le maître de jeu qu'on a toujours. Voilà. C'est important d'avoir un bon compteur. Mais en tout cas, il y a beaucoup. Ouais. L'illustration, pour moi, la bande dessinée, littérature, jeu de rôle, tout ça, c'est des univers qui se croisent, qui se marchent dessus, qui. Parfois, la frontière, elle est très, très, très faible, je trouve. Et tu as bien raison là-dessus, parce que en ce moment, il y a les recueils de Cthulhu qui sont adaptés en manga par Gutanabe. Et il me semble que c'est lui qui va également dessiner pour la nouvelle édition du jeu de rôle. D'accord, trop bien. Voilà, il me semble, hein, c'est mon libraire qui me l'a dit, qui est fan de jeux de rôle et de manga. Et du coup, je crois que c'est Gutanabe qui va s'occuper des illustrations pour la prochaine version de Cthulhu. Ok. Génial. Bon, bah ça Ça, c'est des... s'arrêtera jamais de toute façon. Oui, Cthulhu, Voilà. non. Je voudrais quand même, si c'est possible, citer quelques auteurs de bandes dessinées franco-belges qui ont quand même travaillé sur des licences, je pense entre autres sur des jeux de la gamme Cirrose, avec Alberto Varanda, qui avait bossé quand même sur des illustrations de Heavy Metal, In Nomine Satanis Magna Veritas, Bitume, MK5, Bloodlust, Thierry Ségur aussi, qui avait travaillé sur des Casus, Légende des contrées oubliées, et Florence Magnien, Magnien, j'arrive jamais à. Rêve de Dragon, entre autres, qui est quand même un gros, gros jeu. Et on a oublié, j'ai oublié de citer la française, l'égérie de Wizard of the Coast, Magali Villeneuve, qui a travaillé sur des visuels Donjons et Dragons, Warhammer, Trône de Fer, Seigneur des Anneaux, Star Wars, Magic. Ouais, total. Voilà, enfin bon, voilà. Les Français sont très, très bien, les dessinateurs français, illustrateurs sont très, très bien cotés aux États-Unis. Ah, d'accord, c'est bon à savoir ça. Régulièrement, ouais. Non, non, sans déconner. Hein. C'est la French touch, quoi, encore. Bon, on peut Voilà. le voir avec pas mal de personnes qui réussissent chez Marvel ou chez DC, comme Coypel, qui a très bien Oui, réussi tout à fait. son ascension aux États-Unis. Tu as eu J.L. Mast, qui a travaillé également chez Marvel. Il y a quelques années, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de personnes Leila Elaize également, qui est une de mes illustratrices favorites, qui a pu travailler sur chez Aftershock, qui est un petit éditeur de comics. Donc non, il y a eu pas mal de Français qui réussissent vraiment. Après, d'après ce que j'ai compris, il ne reste jamais très très longtemps parce que c'est quand même un rythme assez dingue. Mais c'est vrai que le Français qui va là-bas, quand il a déjà des bagages en France, il peut retourner en Europe, il n'y a pas de problème. C'est un peu comme le réalisateur qui va tourner pour les Américains. S'il tourne là-bas, quelque part, il a toujours son. On te perd. On te perd beaucoup même. Ah, pardon, excusez-moi. Rapproche-toi du micro. Je suis en train de tomber dans mon fauteuil là. Le fond, c'est pour ça. Non, non, je disais, les illustrateurs en fait français, c'est un peu comme au cinéma. L'avantage, c'est que quand tu pars là-bas, si jamais tu te vautres, tu reviens chez toi, tu peux toujours produire. Alors qu'un Américain là-bas, il se viande. Bon, ben voilà, quoi. Sa carrière, Définitivement. elle est... Voilà. C'est ce que je voulais dire. Et aussi que le rythme, en fait, c'est vrai que c'est chaud parce qu'ils ont un rythme de production, en fait, les comics là-bas, qui est assez dingue, quand même. Parce qu'au final, c'est beaucoup plus proche du manga que de nous. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, quand tu t'attaques à des licences comme ça, quand tu reprends des personnages connus, bah, entre guillemets, t'as pas le droit à l'erreur, quoi, tu vois. Ouais. Surtout qu'en général, t'es pas seul en plus là-dessus. On te largue pas sur le projet. Non, non, t'as les fans qui t'attendent, qui suivent Oui, depuis des aussi. années. Alors, tu loupes le personnage et tu le fais pas très bien. Enfin bon, voilà, c'était juste la petite aparté. Bah écoutez, est-ce qu'il y a du monde dans le chat qui aurait des questions à nous poser avant de conclure cette conférence ou pas du tout? Ouais, parce qu'il va aller masteriser après, hein, pour ceux Oui, qui ont c'est pris ça. rendez-vous avec lui. Dans 14 minutes, il démarre une partie de jeu de rôle, là. Attention. Game Master, pardon. Oh là, j'ai pas utilisé de bon mot. mon Dieu. Il y a des gens qui écrivent, il y a des gens qui écrivent. Ça arrive. Met la pression à Kéote, tout le monde attend ce qu'il va écrire. Eh bien, merci à toi d'être passé alors. Ben oui, merci beaucoup d'être passé. Et bon, je pense qu'on va terminer par les remerciements. Je pense que ça sera pas mal comme ça. J'attends juste que ce qui est hot. Mais ah, il y a aussi Dr. Jekyll. J'en profite, Dr. Jekyll, qui est un très bon dessinateur aussi, qui a un compte Instagram. Et d'ailleurs, c'est lui qui a fait le logo Kethard. Donc, merci à lui, tiens, j'en profite. Alors, Ah, ok. je suis curieux, c'est quoi son profil Insta? Docteur Je cherche le lien, je te le donne tout de suite. C'est rigolo parce qu'on s'est rencontrés à une rencontre d'auteurs à Paris il n'y a pas longtemps, et puis elle dit, Ah tiens, tu veux être à telle convention? Moi, je connais plein de gens là-bas. Ah, c'est bon, trouvé. Je finis juste. D'accord, donc apparemment vous êtes rencontrés grâce à une personne qui connaissait Kétard et que le monde est très petit. Oui, c'est souvent le cas. Voilà, c'est ça. Ouais. On s'est rencontrés à une convention d'auteurs à Paris avec Dr. Jekyll. Et du coup, quand tu m'as dit, Ah, tu vas être à telle convention, j'ai des potes qui sont là-bas. C'est très rigolo. Bon ben sur ce, je pense qu'on va en terminer là. Merci à toutes et à tous qui nous ont suivis. C'était un moment d'échange très sympathique. On n'avait rien prévu en avance, hein. On a tout pitché 5 minutes avant que tout commence réellement. Donc Oh là là, t'as merci. caché la magie là. Ah non, non, non, mais faut le dire, faut le dire, faut C'est être honnête. J'ai ce qu'on l'impression d'être appelle dans une mon meilleure podcast. conférence. Pardon, tu disais Kétrard? J'ai dit, c'est ce qui fait les meilleures conférences. Vous m'avez donné en tout cas un boulot de malade à chercher les images en même temps et à les mettre. J'ai les doigts qui tremblent un peu, mais ça va aller. Ouais, j'ai trouvé que t'avais pas été assez rapide. Hein. Sérieux. C'était quand même. Pour information, les dernières conférences ce soir que je stream terminent à 1h du matin. À 1h du matin, je coupe le live et je relance la rediffusion. Donc, ceux qui sont motivés et qui veulent suivre cette conférence-là, Normalement, vers 2h30, 3h du matin, c'est le début de ce stream. Eh bien. D'accord. Bon, bah, Et parfait. après, je vous enverrai aussi, bien sûr, le lien en MP pour que vous puissiez l'avoir. Non, mais je Très bien. viendrai comme ça, je verrai ce que ça fait d'être participant et écouté. Et alors, de mon côté, j'ai enregistré également cette conférence et ça sera à retrouver dans le podcast Débat Comics d'ici la fin de l'année. D'accord, super. Ok. Bon bah du coup moi je serai encore sur la convention si ça vous intéresse. J'illustre des parties en live. Et du coup ce soir je serai sur Tales of Pi. Donc je dessine la partie en même temps que les joueurs jouent. Tales of Pile, comme ça. Pi. Pi. Tales of Pile. Pi. Ah, pardon, excuse-moi. Je croyais que c'était Tales of the Loop, un truc comme ça, mais ok. Ouais, là il y a Tales of Pi qui est ce soir. Et du coup voilà, donc je serai dessinatrice dessus. Et normalement je dessine aussi Doctor Who demain. Et encore une autre partie en fin de soirée aussi, voilà, Corpus Genesis. Tout à fait, et on va se retrouver tous les deux sur Doctor Who et sur Corpus Genesis où je vais streamer et Parfait. jouer également. Trop bien. Et de Et mon voilà. côté, vous pouvez me retrouver pour trois parties. Alors, je crois que mes deux premières sont complètes. Pour Star Wars, dans 10 minutes. À 20h, je participe à la conférence État des lieux du JDR dans le monde associatif. Et après demain, 13h, c'est du D&D dans la cinquième édition. Et merde. Pour dimanche, je termine par une partie de Cops de 10h à 13h. Et je crois qu'il y a encore pas mal de places de disponibles pour Cops, donc n'hésitez pas. Si je La peux me dernière permettre, édition. streamer aussi ta Ouais. conférence de ce soir sur le JDR et l'État dans le monde associatif. Et je crois que je sais tout ce que j'avais à dire. Eh bien écoutez, ben sur ce, passez à toutes et à tous une bonne soirée ou une bonne journée, suivant comment vous allez écouter cette rediff de cette conférence. Ok, bah encore merci, c'était super sympa. Merci à vous. Bon salon.